Baignée par ses fortes chaleurs, une personne est décédée sur la côte atlantique, à une dizaine de kilomètres de Béziers. Une autre n'a pas pu être ranimée par les pompiers du Cap Ferret. Au moins 4 baigneurs ont été secourus in extremis. Le bras de fer qui a véritablement commencé entre le gouvernement et Alstom, le constructeur de trains accepte de négocier mais ne change pas pour l'instant de stratégie. Le gouvernement, les syndicats et la direction se laissent 10 jours pour trouver une issue. François Hollande a encore martelé hier que tout sera fait. Certains députés de droite taclent l'exécutif qui aurait été alerté de la situation dès l'an dernier. Une mobilisation est prévue demain à Belfort. La colère des infirmières aujourd'hui, journée de mobilisation pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Les grévistes porteront un brassard noir dans les hôpitaux et des débrayages sont possibles, des débrayages d'une heure ou deux. Le gérant d'un bar entre la vie et la mort ce matin, il a reçu une balle en pleine tête hier soir sur son lieu de travail à Corbeil-Essonnes en région parisienne. Le drame s'est déroulé sous les yeux de sa femme. Plusieurs témoins ont été entendus cette nuit et un suspect a été interpellé. Israël qui retient son souffle, Shimon Peres est dans un état grave mais stationnaire. L'ex-président israélien et prix Nobel de la paix âgé de 93 ans a été victime d'un AVC. Il est hospitalisé depuis hier soir à Tel Aviv. Il est considéré comme étant le dernier politique issu de la génération des pères fondateurs d'Israël. Du foot et Paris qui peut nourrir des regrets ce matin. Un mot revient partout dans la presse de l'équipe en passant par le Parisien, à savoir gâchis. Le PSG et Arsenal se sont neutralisés hier au Parc des Princes à l'occasion de la première journée de la Champions League. Cavani a marqué un but au bout de 43 secondes mais il a gâché par la suite de nombreuses occasions. Prochain match le 28 contre Ludogorets, faudra faire beaucoup mieux. À noter la victoire du Barça 7-0 contre le Celtic Glasgow avec un triplé de Messi. Ça passe également pour l'Atlético Madrid de Griezmann et pour le Bayern de Ribéry. À suivre ce soir, Monaco qui se déplace à Tottenham et Lyon qui accueille le Dynamo Zagreb. Bien sûr, on suivra tout ça dès 21h dans la Radio Libre. Et oui, Rémi, merci Rémi, pile à 6h. C'est ouais. Parti pour le morning, bonne journée, bon réveil, on est mercredi et toute l'équipe est là ou presque. Ouais, ouais, tout le monde s'installe. Cariole arrive avec son café, donc tout le monde est là, on y va. Vous vous réveillez avec le morning de Difool. Et eux, ils se réveillent avec ça. Difool. Romano. Cariole. Apparemment, le réveil de Cédric ne marche pas. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Default sur Skyrock. Oui, je crois que Cédric a un problème de clavicule, d'après ce qu'il m'a dit encore. Oui, toujours. Oh, toujours. Sinon, le reste de l'équipe va bien. Bonjour, Cariole. Bonjour. Prêt à déguster le café? Oui. Oui, Cariole est tout à caisse maintenant. Vous l'entendez? Là, c'est la panique qui vient de s'asseoir. Ça va? Ça va, merci, ouais. Très... J'ai mal de tête ce matin, mais ça va. T'as mal de tête? Elle se caresse le sang en regardant. C'est quand même un truc de ouf. Ah, bah, tu l'as beaucoup l'excité. Oh, Romano, regarde, j'ai mal à la tête. Ah, ouais, mais j'ai l'impression que tu te caresses plutôt le sexe. Oh, pardon, excuse-moi, Romano. Bonjour, Romano. Comment vas-tu? Bah, ça va, tranquille. Ça va, Rémi, bien aussi? Bah, ouais, tranquille. Voilà, et Sam, sur les réseaux sociaux, hashtag morning de Difool si vous voulez nous dire des trucs, si vous voulez mater des trucs, et tous les réseaux avec le Skyrock FM. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour à Steven, à Cathy qui nous salue. Bonjour Cathy, c'est les premiers réveillés. J'aime bien voir les premiers réveillés moi le matin. Bonjour à Bib, à la bonne couille. Oui, à Bib, il est là. Salut, la bonne Bib. Couille est là aussi. Bonjour à Zirac et du 45. Salut 45. Lokium qui vient d'arriver aussi. Vos messages, c'est donc au 41-759. Tout au long de la matinée, numéro à bien garder en mémoire. À bien mémoriser, ça peut vous servir à gagner vos iPhone 7. On en a encore plein à vous filer ce matin. iPhone 7 à gagner tout à l'heure à 6h20. 6h15, 6h20. On va jouer ensemble et on jouera à l'invité mystère, un premier invité mystère à découvrir. Ce matin, je pense qu'on prendra les nouvelles de Cédric en direct. Ah, bah oui, quand même. Oui, il m'a envoyé un message, il est en train de nous écouter. Salut Cédric, Romano t'embrasse très fort sur la bouche. Ah non, pas sur la bouche, non. Fais un effort, Romano, il est malade, il a mal à sa clavicule. Bah, je lui donne une tape sur l'épaule. Mais non, ça va lui faire mal, une tape sur l'épaule quand t'as une clavicule. C'est comme ça qu'il dit. Une clavicule cassée, parce que je l'ai eu au téléphone. Mais voilà, j'ai une clavicule cassée. Voilà, j'ai mal à ma clavicule. Donc, Cédric vous salue. On l'aura, j'espère, avant 9h du matin. S'il se rendort pas d'ici là. Hein. Ouais. Enfin bon, le morning, c'est pas fait pour ça. Le morning, c'est fait pour se réveiller. Bon, on va se réveiller avec du son. Tiens, Alonso qui arrive dans un instant. Un grand classique du rap sur Skyrock, Timbaland et 50 Cent. On écoutera Apologize. Vous vous rappelez de ça? Hein. Oui. C'est super. On aura du Justin Timberlake, du 21 Pilots. Même sur les il y a un instant, mais ça viendra un petit peu plus tard dans la matinée. Enfin, plein de sons qui déchirent tout au long de ce morning. Et évidemment, les rendez-vous à pas louper tout à l'heure à 6h40. On parlera conseil pas cher et on parlera argent avec toi, Romano. Bah, exactement. Et comment gagner de l'argent, comment magouiller, escroquer en tout genre. Exactement. Tu dénonces aussi des escroqueries. Ah oui, bien sûr. Hier matin. Ouais. Moi, j'ai un tuyau pour gagner de l'argent, mais je vous le donne dans un instant. Le réveil de Star arrive aussi. Ah, ce matin, un rappeur va réveiller les Français. Moi, j'attends ça avec impatience. Ah. Écoutez-le bien, c'est lui. Comment tu vas? Ça va pas mal, ça va pas mal. l'ai reconnu? Non. Mais si. C'est Black M. Mais alors ah, voilà, oui. Bah, j'ai toujours pas reconnu, j'ai toujours pas reconnu. Mais si, Cariole, c'est Black M. Elle est mal réveillée, c'est Black, Cariole, Black M. Hein. Big Black M. Big Black M. Black M qui va réveiller les familles de France. Et puis nous qui allons peut-être vous réveiller avec 1500 euros. Le tuyau pour gagner de l'argent, c'est simple. On vous appelle le matin, vous répondez Skyrock. On vous appelle n'importe quand d'ailleurs, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Oui, oui. Ah, ça nous est déjà arrivé un soir de vous appeler pour vous offrir 1500 euros. Mais bon, on vous appelle dans le morning. On vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock. Et vous gagnez 1500 euros. C'est tombé deux fois hier matin. C'est tombé chez Abdou dans le 83 à Toulon. Ah, puis c'est tombé aussi pour la première fois à Strasbourg. Écoutez bien, c'était chez Philippe, le premier Strasbourgeois. Ça fait pas longtemps que Strasbourg est irrigué par les ondes magnifiques de Skyrock. Ouais, c'est vrai. Et c'est déjà tombé les 1500 euros. Qu'est-ce que tu fais? Il s'étouffe. Je suis en train de m'étouffer, je n'aurais pas pu boire de café. C'est ma pourrie, là, n'arrive plus à respirer. Excusez-moi, c'est le café qui. Ouais, oh. Alors, je disais donc, le premier à Strasbourg, c'est lui, écoutez. On est en direct à la radio, Philippe. Oui. On t'a tiré au sort ce matin et on t'appelle pour t'offrir des sous. Oh putain, c'est Skyrock. Oh déjà, putain, à Strasbourg, vous êtes déjà tous branchés sur Sky, c'est cool. Ah, je vous écoutais. Ah bah écoute. J'étais en train de vous écouter. Et bah donc, si je te demande quelle est ta radio préférée, putain. Philippe. C'est Skyrock. Et bah c'est gagné. C'est gagné. Bravo, Philippe. Ouais. Putain, ça fait plaisir. Eh ben oui, ça fait plaisir. Premier auditeur de Strasbourg qui gagne sur Skyrock. Bravo, Philippe. Et pas le dernier. Et pas le dernier, évidemment. Hein. Peut-être chez vous les 1500 euros. Bon, il est déjà 6h05. On va retrouver Alonso et dans un instant, c'est Black M qui réveille les familles de France. Comment ça va se passer? Direction les familles. Comme j'aime bien Black M, j'espère que ça se passera bien. Bah, allez, on va voir. Black M arrive dans un instant. Carole est toujours très, très optimiste. Toujours? Ouais. Oui, oui. On va voir ça dans un instant. On va écouter ça ensemble. Le réveil de Star arrive. Et préparez-vous pour l'iPhone 7 à 6h20. Il est pour vous aussi, 6h05. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Est-ce que là... T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle provoque des bagarres, elle est dans le cœur de tous mes scars. bien ça. Binta Binta, le pote de Soprano. Soprano a gagné dans la roulette, je ne l'ai pas dit ça encore. Mais la roulette tournera dans l'émission Soprano en tournée dans toute la France avec Skyrock. Bon mercredi, bon réveil à vous. J'espère que vous allez bien. On a un gros son de 50 Cent et Timbaland dans un instant, c'est Apologize. Ouais. Et là, on va découvrir ensemble le réveil de star du jour. Je vous l'ai annoncé, c'est Black M qui va réveiller les familles de France ce matin. Vous aimeriez vous faire réveiller par quel rappeur, Romano? Black M, t'aimerais bien, il est sympa Black M. Ouais, mais Black M le connaît bien, moi. Attends, quand même le prince du hip-hop, quoi. Oh, regarde, regarde comme il se la pète depuis. Ah, je les ai vus débuter, moi. Ah, bah, ça, on peut le dire. Voilà, j'ai débuté en même temps qu'eux, vous avez vu la progression. Et oui, l'explosion. Enfin, pour Black M, et l'explosion en vol pour Romano. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. En tant que prince du hip-hop. Ça va? Ça va, Black M. Ça va, et toi, bien? Bien. Bien, bien. J'aime bien, on peut faire des conversations virtuelles. Mmh. Comment t'appelles-tu? Black M. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Tu es où? Mon Snapchat, c'est Blacky-Snap. Ah, tu es sur Snapchat, très bien, Blacky-Snap. Bon, le réveil de star, on va voir comment les familles accueillent notre pote Black M. C'est parti chez les familles de France, à 6h10, pile. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il sait? Moi, j'adore la dame qui fait qu'est-ce qu'il sait. Le réveil de star avec Black M qui va réveiller la famille de Christophe ce matin dans le morning. Vous aussi, vous réveillez avec Skyrock. Écoutez bien ça, c'est notre réveil de star de 6h10. Chez Christophe et la famille. Ouais. Allô? Allô? Oui? Comment tu vas? Oui, mais je voulais savoir votre nom, moi. Voilà. C'est Black M. Black M? Mon Snapchat, c'est Blacky-Snap. Ouais, bon, c'est des conneries. Je vous remercie quand même. Allô? Ouais. Ah. Ça va? Ça va et toi? Bien. Comment tu t'appelles? Black M. Ouais, puis mon cul, c'est comment? 1-2-1-2 ici, le Big Black M en personne, l'éternel insatisfait. Ouais, ben, je m'en fous du Big Black M. t'es déjà venu nous voir en concert, me voir en concert? Bah non, pourquoi j'ai en concert? Ah, c'est de la tuerie. Ouais, ben, moi, j'ai rien à foutre. Ça fait énormément plaisir. Ouais, je m'en fous, bah, on a parlé de vos conneries. C'est Black M, tu te rappelles de moi? Bah oui, c'est qui c'est, Black M, je l'entends à la télé. Mon son, il passe à la radio. Bah oui, ben, je le sais, je l'entends. Où ça? Ah bah je le vois de là, la 17. T'as écouté le dernier extrait, ça t'a plu? Ah oui. Vous allez faire la fête pendant toute une année entière. Ouais, bon allez, j'ai pas le temps de... Pourquoi? Bah t'emmerdes le monde depuis tout à l'heure. C'est fait exprès et tant mieux, tant mieux. Ah bon allez, c'est tout, on a pas le temps, j'ai pas le temps. Tu perds le contrôle quelque part. Oui, il a perdu le contrôle de la bouche là à la fin. N'a pas le temps, j'ai pas le temps. Ah, il a rien foutre, hein. Vous avez entendu Christophe, la femme de Christophe aussi. C'est bien parce que là on a réveillé toute la famille, ce qui est toujours sympathique. Parce que puis il y a des gens qui peuvent être jaloux. Ouais, mais Christophe, il est collé, il a la page de Christophe. Bon, hein. Alors, il l'a vu sur la 17 là. Ah, j'ai vu, ça tourne là, je suis à la 17. Sur la 17, il a vu le Black M. Ah, il a vu, je t'ai vu tourner à télé. Je t'ai vu à télé. À télé. Je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais en tout cas, on a à peu près compris le message qu'il voulait nous faire passer. C'est Christophe. Ouais, je connais, hein, oui, Black M. Christophe et Black M, le retour de Black M tout à l'heure dans le réveil de star. Dans un instant, c'est l'iPhone 7 à gagner. Un iPhone 7 pour vous. Fait plaisir, c'est dès le réveil, dès le matin sur Skyrock. C'est pour ça que ça vaut le coup de se lever tôt tous ensemble. Là. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, un gros son maintenant. C'est Timbaland et 50 Cent qu'on va retrouver pour Apologize. C'est un bootleg Skyrock. On peut le dire, ça veut dire une On a pris deux titres et on les a mélangés. On les a bootlegués, vous allez voir un truc magnifique. C'est à 6h12 et c'est dans le morning sur Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. So special. Unforgettable. 50 cents. Simple thing. God damn. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, down, she take the low. She fine as hell, she bout to go. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it look at the way. She shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lust it for, going crazy, facing out, don't stop. Get it, the way she shake it, make you want to hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knew just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance to your lap till you're ready to pop. She's taking all the chance, take a fall, take a shot. Well, I need you like a heart needs a beat. Yeah, yeah, I loved you with the fire red. Now it's turning blue. And you say, sorry like an angel. Heaven let me think was you. Just don't stop, I ain't got the move, I can sit and watch. In a fantasy, this fantasy, this how it be, her and me. Backstroke, sweat soaking, all into my sexy. She's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Watching I do a thing on all fours. Now that this shit begins to low. From side to side, let the ride. Break it down, down, down. Know what I like when you hike. Break it down, down, down, down, down. It's too bien ça, Apologize, grand classique qu'on retrouve ce matin pour se réveiller à 6h16. J'ai un invité mystère exceptionnel ce matin. Je vous le dis, un invité mystère à découvrir pour gagner vos iPhone 7. On l'a, je crois, d'ailleurs en direct avec nous. Oui, on va le prendre. Attention, t'as une petite musique, ouais, des trompettes, des trucs qui déchirent. Attention. L'invité mystère arrive. Préparez-vous, vous allez le découvrir et vous allez gagner l'iPhone 7 et les autres, vous allez pouvoir écouter l'invité mystère. Petite musique, Romano. Attends, petite musique. Appelle l'orchestre, fais un truc. Alors attention, voici. Oui. La bête. Oui. Nous allons retrouver tout de suite l'invité mystère. Il est en direct avec nous, le voici, le voilà. Alors attention. Allez, le voici, le voilà, l'invité mystère à découvrir. L'invité mystère. What? Alors il est dans son lit. Allô l'invité mystère. Bonjour. Quelle voix. Alors on peut pas dire qui tu es, mais on est content de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé, Romano? Oh, je suis tellement aussi content. Oh, qu'il a vomi de joie, c'est oh fou. Là, là, je suis... Tu l'as ça imaginé. Fait longtemps, tu m'as manqué, Romano. Ah bah nous aussi, tu nous as manqué, tu sais. Hein. Oh, bon, ça va. Ah toi ça va, Romano. Je supporte. Tu sais que Romano vient de t'imaginer dans ton lit, magnifique, et ça a déclenché chez lui quelques petits trucs. Ferme les yeux, Romano, imagine, il est dans son lit, il nous écoute ce matin. Oh. Eh oui, quel effet exceptionnel. Dans un coussin de bave, j'ai bavé toute la nuit, c'est horrible. Oui, mais vas-y, toujours aussi répugnant. Vas-y, Molo, quand même, on se réveille là. Petite question à l'invité mystère. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux, vous aussi, vous pourrez poser dans un instant toutes les questions que vous voulez à l'invité mystère en direct. Es-tu torse nu? Bah oui, en caleçon. Les doigts de pied en éventail. Oh non. Et surtout, les doigts de pied qui puent. Ah oui, non. Oh là. Bon, ça va, là, encore. Ah bah, ça doit, ouais. Encore. Bon, on va vous laisser, monsieur. Oui, alors, l'invité mystère... Vous allez me laver les dents, par contre. Vous avez... Oh, vas-y, pour être bien, parce que tu es en direct dans la France entière ce matin. Attention, hein. Bonjour. Bonjour, la France. Bon, l'invité mystère, vous l'avez reconnu, vous avez une petite idée. Vous envoyez vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock. Et vous gagnez... Et t'imagines, tu vois un iPhone 7, t'as jamais valu aussi cher, dis donc. Franchement, ça fait plaisir. Ah, il est torse nu. Ah oui, il est torse nu. Magnifique. Attention, vos réponses très vite. Dans un instant, vous pourrez lui poser des questions si vous avez des trucs à lui demander.

Justin Timberlake sur Skyrock. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. 6h24, on va vous offrir 1500€ dans moins de 10 minutes. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs au 7-20-20. Vous auriez 1500 au 7-20-20. Vous inscrivez maintenant, peut-être qu'on vous appellera dans la matinée. 7-20-20, ouais. Inscription ouverte évidemment. C'est ouvert 24h sur 24. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, autrement vous pouvez faire les feignants, hein. Vous n'avez pas de message, mais on peut vous appeler quand même. Il suffit d'avoir, d'avoir un téléphone. Guettez bien vos téléphones dans 5-10 minutes. Ça va sonner. Et là, guette bien ton téléphone Amélie, parce que tu es en direct avec nous et tu as bien fait. Tu as bien fait de te réveiller avec Skyrock ce matin et bien fait de nous envoyer un message. Tu as découvert notre invité mystère, Amélie. Bonjour Amélie. Salut Amélie. Salut les gars. Salut la Dijonnaise en plus. Ah oh, bah tiens, la Bourgogne. Eh oui, en direct de Bourgogne. Comment va Amélie? Bah ça va très bien, merci, et vous? Bah écoute, ça va bien. Tu vas peut-être gagner ton iPhone. Je crois que tu vas gagner ton iPhone dans quelques secondes. Tu as reconnu la bête. Eh oui. Alors, notre invité mystère qui va te redire bonjour, puisqu'il est en direct avec nous ce matin, l'invité mystère. Bonjour Amélie. Ah, plutôt, salut, Cédric. Tu as reconnu le bête. Ça va, ma belle. Oui, il est là. Cédric, et bonne réponse, Amélie. Ouais, bien joué, oui. Bravo. Bravo. Notre Cédric à nous, celui que vous retrouvez, que vous retrouviez précisément. Ouais. Tous les matins et tous les soirs, mais là, il a la clavicule. Tu as toujours ta clavicule cassée, Cédric. Ah là, oui, elle est toujours cassée. Elle est cassée. Mais fusil de la colle à la clavicule. Mais bah oui. J'ai essayé, ça marche pas. Hein. Ah, ça marche pas. Ah, vous étiez nombreux. Et nombreuses à nous demander des nouvelles de Cédric. Eh bien, les nouvelles de Cédric, les voici. Bon, il est toujours là. Hein. Ouais. Ouais. Dans son lit. Mais ça, t'as toujours aussi mal ou ça va un peu mieux? Ah, ça va un petit peu mieux par épisode. Parce que t'es un bonhomme. Ah oui. Bah, bien sûr, je suis un bonhomme. Ouais. Tu t'es déjà cassé un truc, toi, Amélie? Non, jamais. Jamais, putain, ça c'est bien ça, t'as 25 ans. Je te le souhaite pas. Et jamais tu t'es cassé un truc. Tu vas me dire, moi non plus, je suis assez solide, je me suis jamais rien cassé. Non, des petites tendinites par-ci par-là. Ouais. Des trucs de sportifs. Ouais, tu déboîtes tes épaules sans cesse. Ouais, des claquages, tout ça. Mais c'est quand t'es trop sportif, Romano, ça. T'as, l'année dernière, du fou, j'ai quand même pété un orteil en allant se baigner. Hein. Ah si, c'est vrai, je me suis cassé un orteil. C'est dire, ma pourrie et pied aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai, Amélie, j'ai oublié, je m'étais cassé un orteil. Ça fait très mal de se casser un orteil, mais moi je venais à la radio quand même. Bah, évidemment. Parce que Bonhomme, ouais. Et ouais. On lui a mis des béquilles et tout. Ouais. Truc de dingue. Magnifique. Bon, Amélie, l'iPhone 7, il est pour toi. Bravo, tu veux découvrir Amélie. Le tout nouvel iPhone. Trop bien, merci beaucoup. Eh, comme quoi, il y a du bon que Cédric se pète la clavicule. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, des questions à Cédric. Une petite question à Cédric, Amélie, trouve-en une comme ça. Quand est-ce que tu reviens? Alors, quand est-ce que tu reviens, Cédric? Le plus tard possible. Bah, le plus tôt possible. Oh, dès que ça va mieux, je reviens, t'inquiète. Ah, ça va pas bien, là. Mais ça, c'est pas une réponse précise. C'est comme les hommes politiques. C'est comme les hommes politiques. Tu leur dis, c'est quand vous faites baisser le chômage? Oh, bah, la courbe, elle va s'inverser. Ouais. T'inquiète pas, j'inverse la courbe. Ouais, il y en a qui ont dit ça, qui se sont quand même plantés à le dire. Oui. Tous, là, pour l'instant, hein, quand même. Bah, je reviens avant la fin de l'année, promis. D'accord, merci Cédric, c'est toujours aussi drôle, hein, quand même. Eh oui, il a de l'humour à en revendre. Mais oui, qu'il est drôle. Bon, on espère que tu reviennes bientôt, Cédric. Hein. Bah, le plus rapidement possible. Ah, moi je croise les doigts, Cédric, comme tu le sais. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Cédric a eu un petit accident de moto, ouais. Comme ça. Bah, c'est ça, pilote à deux balles. Ah, bah, une petite cascade, quoi. C'est ça, petite cascade. Bon, bah écoute, Amélie, sois prudente. Prends soin de ton iPhone, prends soin surtout de toi. L'iPhone 7, on te l'envoie à la maison à Dijon ce matin, c'est parti. C'est super, merci beaucoup l'équipe, c'est vraiment génial. Bisous Amélie. Bisous. Salut Amélie. Ciao. Et Cédric, je racontais un peu ce que tu m'as raconté hier. Donc t'as des problèmes pour te lever, des problèmes pour te déplacer, tout ça? Ah ouais, putain, j'en ai marre. Bah ouais. Et le petit problème d'hier, c'est quand t'as fait le petit effort pour te lever, parce que tu voulais aller faire caca, parce que tu fais caca quand même. Ouais, ça, c'est revenu ça. Et voilà. Et donc là, il fait l'effort. Et malheureusement, voilà. Ah, c'est quoi, tu t'es chié dessus? Bah oui, c'est chié dessus dans le lit. Oui. N'importe quoi, c'est pas vrai. Bah Cédric, tu peux le dire aux auditeurs, tu me l'as dit à moi. On est tous ensemble, on est une grande famille, Cédric. Mais Cédric, tu veux qu'on t'amène des couches? Non mais ça va aller. Cédric, on a amis, si t'as besoin de quelque chose, dis-le, n'aie pas honte. Je lance l'appel. Ah, tu veux des couches? Je lance l'appel, Romano, lançons l'appel ensemble. Hashtag. Offrons des couches pour Cédric. Voilà, j'aimerais bien avoir des couches. Alors, hashtag offrons des couches pour Cédric, hashtag morning de Default. Oh, on comprend, Cédric, c'est pas facile. Hein, non. Pas facile. La clavicule cassée, on peut pas se dépasser. Et on chie dans son ben. J'aimerais pas être tes bras, moi. Non, ni tes slips. Ni ton lit, ni tes voisins, d'ailleurs. Bon, ben. Non, les voisins, ça va encore, ils sont pas chiants. Asphyxiés, ils disent plus rien, ils ne bougent plus. Bon, prends rétablissement, Cédric. Bon, merci, courage. La famille. Et on merci. Te retrouve ce soir, ou si on a besoin de toi dans la matinée, mais ce soir entre 21h et minuit pour la radio libre. T'inquiète, je suis Al. Salut Cédric, ciao. Salut tout le monde. T'as entendu, il est Al. Ouais, je suis Al. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Voilà, je suis Al. Voilà, j'ai la clavicule. La clavicule est cassée. Ouais, bon courage à lui. Un petit soprano là pour se réveiller ce matin sur Sky. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Sopranos sur Skyrock et vos places à gagner pour aller voir Sopranos sera dans la roulette tout au long de la journée avec toute l'équipe de Sky. Et avec nous ce matin, la roulette qui va tourner, Soprano, le grand tour de Soprano, la grande tournée. Ouais. En 2017, il passera notamment par le Stade Vélodrome à Marseille. Entre autres. Entre autres, et puis forcément près de chez vous parce qu'il a un paquet de dates. Je sais pas combien il a de dates, mais au moins 30, 40, je sais pas. Ah ouais, facile, ouais. J'ai vu la liste, je vous l'ai faite l'autre jour, ça a duré 10 minutes. Donc je vais pas vous la refaire ce matin. Toutes les dates, elles sont sur tous les réseaux de Skyrock. Vous pouvez aller mater ça sur le skyrock.fm par exemple. Bon, on se prépare pour les 1 500 €. C'est tout à vous de vous préparer. Il faut répondre Skyrock dans un instant. On va voir qui on va appeler quelque part en France. On découvre ça juste après les infos de Rémi dans 2 minutes. On prépare aussi du son. Et Romano, t'es prêt pour tes conseils pas chers? Ouais, conseils pas chers, prêt. Concernant un moyen de transport. Oui. Un moyen de transport un peu original parce qu'on n'y pense pas, mais c'est vraiment un moyen de transport. Ah bah oui. L'ascenseur. L'ascenseur. Est-ce que vous avez déjà eu des galères dans des ascenseurs? Est-ce que vous aimeriez prendre l'ascenseur avec quelqu'un en particulier, une star? Ah ouais, parce que j'ai un grand sondage. Oui. Les Français ont répondu à la question: avec quelle star aimeriez-vous prendre l'ascenseur? Ah. Alors avec quelle star vous aimeriez prendre l'ascenseur? J'ai la liste pour les hommes, pour les femmes. Alors vos galères d'ascenseur, les stars avec lesquelles vous aimeriez prendre l'ascenseur. Et pour le son, dans un instant, DJ Snake et Justin Bieber qu'on va retrouver sur Skyrock. On aura du Jul aussi avant 7h du matin. Et Riri, Rihanna qui viendra nous rendre visite. Il y a du monde ce matin. Et il y a Rémi pour les infos. Avec les dernières news de ce dont on parlait hier soir. Les orages, gros orages dans toute la France. Vous nous avez fait vivre ça hier soir dans la Radio Libre. Eh bien Rémi, où sont-ils les orages? Ils se déplacent. Ah, ils se déplacent, ouais. On a encore 7 départements en vigilance. Le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Ardèche. Attention, hein, c'est des orages qui sont possibles aussi assez violents. Des côtes atlantiques aux Pyrénées, des averses attendues sur le golfe du Lion et le Massif Central. On a 120 000 foyers toujours privés de courant ce matin. Du Béarn au Pays Basque jusqu'aux Charentes. Le temps aujourd'hui sera un peu plus agité, excepté des Hauts-de-France à l'Alsace. Alternance de nuages et d'éclaircies de manière générale. Les températures comprises ce matin entre 15 et 22 degrés. degrés. Il fera de 20 à 30 cet après-midi avec même 31 prévu dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est moyen. Les indices vont de 4 à 5, 5 à Paris, Bordeaux, Orléans, Montpellier, Besançon et Metz. Et le point sur l'actu tout de suite. L'actu et évidemment le sport avec le match du PSG d'hier soir. Mais c'était attendu depuis des mois et des mois. Ça y est, la démo de FIFA 17 est sortie hier. Les fans ont pu découvrir et tester le jeu dans le monde entier. Et tout le monde est d'accord, nouvel opus qui s'annonce révolutionnaire. Les joueurs sont super bien faits, tout comme les stades. Et grosse nouveauté, là, on va pouvoir contrôler les stars du terrain sur la pelouse, mais aussi hors de la pelouse. Une fois le match terminé, vous pourrez vous diriger en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Alors, trois choix de réponses s'offrent à vous, de la plus arrogante à la plus modeste. Ça influera sur votre cote de popularité, aussi bien auprès du public qu'auprès de votre manager. Le mode solo aussi est complètement remanié. Vous allez incarner en fait un jeune joueur qui doit se faire sa place. Vraiment, les graphismes sont vraiment, mais vraiment, vraiment bien faits. On attend la sortie du jeu total. Ce sera pour bientôt, là, dans quelques semaines. Et on vous offrira votre PlayStation. On fait une matinée spéciale PlayStation. C'est la Slim, elle sort vendredi. Ouais. Et on a la chopée pour vous. On vous en offrira vendredi matin, donc après-demain. Soyez là dans le morning entre 6h et 9h. Le bras de fer qui a véritablement commencé entre le gouvernement et Alstom. Le constructeur de train accepte de négocier, mais ne change pas de stratégie pour l'instant. Le gouvernement, les syndicats, la direction se laissent 10 jours pour trouver une issue. François Hollande a encore martelé hier que tout sera fait. Certains députés de droite taclent l'exécutif qui aurait été alerté de la situation dès l'an dernier. Une mobilisation est prévue demain à Belfort. Les salariés d'EDF en grève aujourd'hui. Ils entendent protester contre la fermeture prévue de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin. Les syndicats parlent d'une aberration industrielle et économique. EDF et le gouvernement se sont entendus sur une indemnisation de 400 millions d'euros. La centrale devrait fermer en 2018 comme l'avait promis François Hollande durant sa campagne présidentielle. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. L'homme suspecté d'avoir tué sa mère au Havre, mis en examen pour meurtre. Les psychiatres estiment qu'il est responsable de ses actes malgré ses antécédents psychiatriques. L'individu a étranglé sa mère avec un lacet car elle l'empêchait de se rendre en Syrie. Il a été placé hier soir en détention provisoire. La page Platini définitivement tournée aujourd'hui. L'UEFA va élire son nouveau président à Athènes en Grèce. L'ex numéro 10 des Bleus a reçu l'autorisation de s'y rendre. Il sera remplacé par le Slovène Alexander Seferin ou par le Néerlandais Michael Van Praagh. Et on parle sport, on continue avec du sport sur le terrain, du foot. Paris qui peut nourrir des regrets ce matin. Ouais, oui, un mot qui revient partout dans la presse de l'équipe en passant par le Parisien, à savoir gâchis. Le PSG et Arsenal se sont neutralisés hier au Parc des Princes à l'occasion de la première journée de la Ligue des Champions. Cavani a marqué un but très rapidement, 43 secondes, mais il a gâché par la suite de nombreuses occasions. Prochain match contre Ludogorets. À noter la victoire du Barça à 7-0 contre le Celtic Glasgow avec un triplé de Messi. Ça passe également pour l'Atlético Madrid de Griezmann et pour le Bayern. À suivre ce soir, Monaco qui se déplace à Tottenham et Lyon qui accueille le Dynamo Zagreb. On suivra tout ça dès 21h dans la Radio Libre. Merci Rémi. Et pour la suite, tout à l'heure, les infos, c'est à 7h. Il est 6h36 sur Skyrock. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ah oui, depuis 6h en pleine forme et bien réveillé. Content d'être avec vous sur Sky. Merci de vous réveiller avec Skyrock tous les matins. Ouais. La seule radio qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures. Et regardez cette enveloppe. Elle est là, oui. Elle est là, elle va être ouverte dans un instant. Il y a peut-être votre nom dedans. 1 500 € à gagner si vous répondez Sky. Ouais. Bon, on s'occupe des ascenseurs dans un instant. Avec qui aimeriez-vous prendre l'ascenseur? On va voir ce qu'ont répondu les Français. Je sais pas, non, avec Zidane, ils ont mis non. Zidane, non, il est même pas classé. Ah ouais, parce que j'ai des messages. Voilà. Avec... pas de proposition, dit Foul une autre peut-être. Alors, ça c'était ma proposition, parce que prendre l'ascenseur avec Zidane, ça va être sympa. C'était la proposition d'Ophélie également, qui nous laissait ça sur le 41-759. Marine, tiens, puisqu'on est sur les filles, 22 ans, salut Marine, qui aimerait prendre l'ascenseur avec M. Pokora. Les garçons, vous êtes. Ah bah c'est bien, il est pas classé non plus. Plus terre à terre. Dame, elle aimerait prendre. Non, il aimerait prendre. Ah bah oui, c'est avec Nikita Bellucci, actrice de X. Non, bah elle est pas classée. Ah, même chose pour Moretti qui aimerait prendre l'ascenseur avec Nikita Bellucci, le rêve. Mais elle te saute dessus, hein. Elle est capable de te faire des trucs dans l'ascenseur, Nikita Bellucci. Ah bah c'est possible. Même si t'es pas d'accord, hein. Le Portos qui nous dit, lui, qu'il aimerait prendre l'ascenseur avec Clara Morgan. Eh les gars, vous pensez cocu. Vous avez des... Pour l'instant, ouais. J'ai lu trois messages, c'est trois actrices de X. C'est vrai. Que vous nous avez laissé là depuis tout à l'heure. Mais elle n'est pas dedans non plus, hein. Ouais. Bon, c'est sur tous les âges, hein. Donc bon, il y a un peu de tout. Dans un instant, le sondage de Romano sur les ascenseurs et surtout les conseils pas chers pour gagner des sous. Oui, je vais gagner de l'argent grâce aux ascenseurs. Vous y aimeriez prendre l'ascenseur avec Cristiano Ronaldo. T'es pas la première d'ailleurs à nous laisser le message sur Cristiano Ronaldo, j'en ai plein. Les galères d'ascenseurs, on en reparle. Et dans un instant, vos conseils pas chers. On prépare l'horoscope de l'amour aux alentours de 6h45, oui. 6h50. Et juste après, on retrouve le sondage du jour. Ouais. Sondage du jour qui concerne nos amis. nos amis. Nos amis qui les bêtes. Ah non, vous n'avez pas d'amis. Non, pas nos amis, les bêtes. Ah non, mais je sais pas comme t'as dit le truc. Bah, nos amis, bah, je sais pas, boire. Ah, les potes et tout ça. Ouais. Voilà, les potes. Les mensonges entre potes. Mais on en reparlera tout à l'heure. Tout ça avant 7h, mais tout de suite, 1500 euros à gagner. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et je remercie Yannick du 21 qui dit: moi, j'aimerais prendre l'ascenseur avec Kim Kardashian, mais j'aurais peur de ne pas avoir assez de place vu son cul. C'est possible. Oui, il faut avoir un gros ascenseur. Oui, c'est ça, un gros ascenseur. Voilà, limite, tu prends un monte-charge. C'est un gros cul. Hein. Ah, c'est énorme. Sacré, ouais. Allez, j'ouvre l'enveloppe. 1500 euros à gagner. 1500 euros direction l'Île-de-France ce matin. Si vous nous écoutez en Île-de-France, vous avez peut-être gagné 1500 euros. On appelle du côté du 91 et on appelle même précisément à Évry dans le 91 chez Kelly Luc. C'est peut-être la femme de Lucky. Ouais, c'est ça. Kelly Luc, qu'on appelle en direct tout de suite sur Skyrock. On va lui demander quelle est sa radio préférée. Vous connaissez le principe, il faut répondre Skyrock pour gagner 1500 euros. Bonne chance, Kelly. Allô, allô. Oui, allô. Oui, oh là, on se réveille. Oh. On se réveille ce matin. Bonjour, Kelly. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Kelly. Si, Romano est chauve, je sais, c'est horrible, je sais. Ne fais pas un malaise quand même. Hein. Alors Kelly, on est en direct à la radio ce matin. Oui. Je crois que tu t'en doutes. Je crois que tu nous as reconnus. On est en direct à la radio, et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros, Kelly. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Kelly. 1500 euros. Si tu me dis... Merde. Ah, ça a raccroché. Si tu me dis quelle est ta radio préférée, Kelly. Mais oui, Kelly. Bravo. Bravo, Kelly. Ah, ça, c'est du réveil, ça. Ah, ouais, c'est un bon réveil. Ça, c'est du réveil Skyrock, Kelly. Je m'en passe, je te jure, c'est Skyrock. Et le chéri, il est juste à côté, il doit être tout content, le chéri. Kelly, faut pas pleurer. Et t'as le mari à côté. Oh, arrête de me faire chier, c'est des conneries. Mais oui, il y a Romano, tu l'as vu, il est tout chaud. Attendez, mon mari qui veut vous parler. Attendez, parce qu'on s'écoute que les gens. Attendez, je me mets en parler. Allez, vas-y, vas-y. T'es bien réveillé, ça y est, c'est bien réveillé. Ça y est, ouais. Allô, le mari. Oui, bonjour le mari. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute tous les jours, sur mon âge, tous les jours. Eh bien, il vient d'où ton petit accent tous les jours? Je suis anglais. Anglais, yeah. You win. The English on screen. You win one time de l'argent. You plan win money. Yes, I win 1,500 euros. Exactement, voilà, ouais, 1,500 euros. Oh yeah, pareil. Et Romano, c'est lui. Tous les jours, je vous écoute. Merci. Skyrock, t'as ton enfant. Et heureusement qu'elle était couchée, ta chérie, hein, parce que trop mal tomber dans les pommes. Hein. Ouais, on était couchés, là. En plus, on est dormi tard hier soir, on était couchés. Eh ben super, en tout cas, bravo à tous les deux. Vous êtes à Évry, vous avez répondu Skyrock, vous gagnez 1500 euros, vous allez vous faire plaisir, c'est magnifique. Merci. Eh ben, merci à toi. C'est quoi ton prénom à toi? Parce que je n'ai même pas demandé. Moi, c'est Lindy. Mindy. Eh ben, Mindy. Oui. Et Kelly. Lindy. Ah, Lindy. Lindy. L-I-N-D-Y. Eh bien, bravo Lindy. Bravo Kelly. 1500 euros qu'on vous envoie très vite à la maison. Profitez bien. Éclatez-vous avec vos chèques. Et puis, merci de vous réveiller avec nous tous les matins. Bisous, la famille. Okay, y a pas de problème. Salut Kelly. Salut Mindy, Lindy. Salut les amoureux, salut le couple. Ah, oh, c'est mignon. Il faut fêter ça au lit maintenant. Hein. Ouais, certainement. Allez, c'est parti, journée qui démarre bien. C'est comme ça avec Skyrock, on gagne de l'argent, on fait l'amour. Salut tous les deux, ciao. Ciao. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Des réveils. Et voilà, encore 1500 euros à gagner en moins d'une demi-heure. Hein. Je sais pas quoi, on va faire plein d'heureux encore ce matin. Ça démarre fort en tout cas. 1500 euros et dans un instant, les conseils pas chers qui arrivent après. Justin Bieber. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Give up. c'était Justin Bieber sur le son de DJ Snake sur Skyrock à 6h45. C'est l'heure des conseils pas chers avec 5 minutes de retard. Romano, qu'est-ce qui se passe? Bah, je ne sais pas, mais il faut que je rate un peu le temps perdu. Hein. Oui, car le temps, tu le sais, tu nous le dis souvent. Romano nous donne c'est des conseils. C'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et là, on va parler ascenseur, gagner de l'argent grâce à un ascenseur. Ouais, et juste après, on écoutera Jules avec Mon Bijou. Et Calvin Harris et Rihanna aussi avant 7h du matin. Les conseils pas chers et les ascenseurs et vos messages. Je vous ai demandé si vous aviez eu des galères d'ascenseur. Alors, mention spéciale pour Morgane, qui, quand il était au collège, il restait bloqué dans l'ascenseur avec sa prof de maths pendant 1h30. Ah mince. C'était horrible. Bah, on va en profiter pour réviser. Oui, allez, petite interro écrite, t'imagines. Kaline aimerait être coincée dans un ascenseur avec Chris Brown. Méfie-toi parce que Chris Brown, il est très gentil, sauf quand il se drogue, parfois ça le rend agressif. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc de ouf, ça le rend agressif la drogue. Fuck ugly bitches. Merci Chris Brown. Fuck ugly bitches. Fuck ugly bitches. Merci Chris. Fuck you. Fuck you. Être bloqué dans l'ascenseur avec plein de stars du X, ça c'est ce que vous nous avez envoyé, les gars. Vous êtes chaud dès le réveil, hein, d'après ce que je vois. Absolument, ouais. Bonjour à Phoenix qui dit oh, très beau message, j'aimerais bien prendre l'ascenseur avec toi, dit Foul. Oui, en plus, moi je suis pas phobique des ascenseurs. Si l'ascenseur tombe en panne, j'attends. Hein. Sinon, il y a. C'est qui Marina qui, elle, est tombée dans un ascenseur en panne avec une dame phobique qui arrêtait pas de pleurer. C'était l'horreur, elle nous dit. Mince, ouais. Vous avez vu les messages sur les ascenseurs? On nous dit c'était horrible, c'était l'horreur. Dams fantasme sur Katsumi ou Nikita Bellucci qui l'aimerait bien bloquer dans un ascenseur. Sandrine, c'est Georges Clooney. Stanislas, c'est Clara Morgan. Anis, c'est la Marie du soir. Cariole aussi, tu es beaucoup cité dans les messages. Il y a Psychopathe Carbo avec Zaya, lui. Oui. faut que tu aies un petit peu de monnaie sur toi, autrement. Ouais, ça coûte un peu d'argent. Ouais, tu vas regretter. Monsieur Titanium du 5-9, salut Monsieur Titanium. Lui, il aimerait être bloqué avec Selena Gomez. Pas mal, bon choix. Pas mal, ouais. Bon, et Cariole, t'aimerais être bloqué avec qui, toi, dans l'ascenseur? Je vais être classique, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Prio, Romano, t'aimerais te bloquer avec qui, toi? Ah bah, je préfère être tout seul, moi. Ah ouais, tu préférais pas. La question, c'est avec qui, hein? L'autre, il me fout mon sondage en l'air. C'est bien avec ça, quand même. Allez, c'est parti. Conseil pas cher, tu nous expliques comment gagner de l'argent. Romano n'a pas besoin de se coiffer le matin. Ça lui fait plus de temps pour arnaquer. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, au fait, et avec qui les Français aimeraient être bloqués dans l'ascenseur? Alors, attention, pour les hommes, oui. Celle qui arrive en tête, c'est Sophie Marceau. Ouais. Bon, ouais. Ouais, il y a Monica Bellucci, Penelope Cruz, Angelina Jolie, Natalie Portman, Laetitia Casta. Oui aussi, tiens, Laetitia Casta. Michelle Obama. Parfait, Michelle Obama, oui. Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Kate Middleton. Avec des Anglaises. Des Américaines, je veux dire. En français, s'il y a Marion Cotillard qui arrive derrière, Alessandra Sublet. Hein? Najat Vallaud-Belkacem. Ok, d'accord, très bien. Ça, c'est pour Léa Seydoux, Mélanie Laurent et Julie Gaillet qui arrive en dernier. Julie Gaillet, comme François Hollande. On passe maintenant aux hommes, ils aimeraient être avec qui, eux? Celui qui arrive premier, c'est Barack. Barack Obama. Ah ouais, la classe. Deuxième, Georges Clooney. Troisième, Omar Sy. C'est vrai, tu prends l'ascenseur avec Barack Obama, c'est la classe. Ouais. C'est clair, ouais. J'ai pris l'ascenseur avec Barack Obama. Il y a Omar Sy qui est troisième, Johnny Depp, Brad Pitt, Jean Dujardin, DiCaprio, Guillaume Canet, Gad Elmaleh, Vincent Cassel. Il y a Néné qui dit qu'elle a déjà pris l'ascenseur avec Zidane dans un centre commercial à Toulouse. Ça doit être la surprise, t'imagines, t'as un centre commercial, tu fais tes courses, t'as ton caddie et là il y a Zizou qui arrive. Ah bonjour, c'est Zizou. Eh ben bonjour Zizou, comment ça va? Et alors, un autre français classé, il y a Antoine Griezmann. Ah Grizy. Et Olivier Giroud. Grizy et Giroud qui a eu carton rouge hier contre le PSG. Ouais, Giroud s'est fait sortir avec l'équipe d'Arsenal. Ouais, et avec Verratti en même temps, les deux se sont pris à tête. Voilà. Ah mince. Alors, quels sont les conseils pas chers? Eh bien, ce matin, il faut mettre l'ascenseur aux normes de sécurité. Et je vais faire payer les habitants de l'immeuble. De toute façon, c'est eux qui payent. Ah oui, donc on va dans des immeubles et on leur fait payer. C'est bien ton idée ascenseur. Ben ouais, il y a un problème. Les normes de sécurité ne sont pas respectées. Donc il faut que tout le monde donne un petit peu de sous, c'est ça? Je suis ascensoriste. Oh, tu es ascensoriste. Ascensoriste, ouais. Très bien. Salut les ascensoristes. Qui nous écoute. Ah, parfois qui laisse des messages. Ouais. Salut Amiel Sanferif. Salut Otis. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Richard. Oui, bonjour, c'est Richard. Vous êtes Richard? Vous n'êtes pas Richard? Allô monsieur. C'est l'ascensoriste monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur. Oh. Oh. Oh. Oh. Ah, faut lui dire. Oh. Hey. Attends. Oyez. Oyez Richard. Est-ce que tu m'entends? Tu fais ça à faire, sans déconner. Je ne comprends pas ce que tu dis, Richard. Mais que ça à faire, attends, sans déconner. Bon, Richard, je suis l'ascensoriste, allez. Là. Je vais venir réparer l'ascenseur, il faut payer, Richard. Non, mais lui, il donne pas l'heure, là. Non. C'est une expression de Saint-Etienne, donner pas l'heure quand on est un peu... Je sais pas si baragouinait. Tu la connais, l'expression donner pas l'heure? Non, je connaissais pas ça. Bah, lui, il donne pas l'heure, tu vois. Je peux en avoir un autre, quand même. Si tu veux, parce Romano. Parce que là, ce ne fut pas une grande réussite. Alors, un autre. Qui c'est qu'on appelle? Là, c'est Richard, un autre Richard. Ah, très bien. Un deuxième. Ah, bah voilà, bon, moi, comme ça, je m'en souviens. Faites que des Richards, comme ça, c'est moi. On va toute la matinée, nous appellerons que des Richards. tombe bien parce que j'ai du mal à me souvenir des prénoms. Eh bien écoute, ça tombe bien, tu notes Romano, Richard, il y a Rich dedans, exactement tout ce qui te fait plaisir. Vous n'avez pas autre chose que dire à Richard, ce que j'ai. Non, ne fais pas chier, ce matin c'est la matinée Richard sur Skyrock. Frédéric. Frédéric. Ah. Ah, il a raccroché. Voilà, ben voilà. Et donc c'est Richard. Je l'ai dit, Romano, nous n'appelons que des Richards. 93. Très bien, là on était en Seine-Saint-Denis. Donnez-moi d'autres chiffres, je vous donne. Gérard. Bonjour Gérard. Allô Gérard. Gérard. Oui. Ah bonjour, c'est la femme à Gérard. Oui. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Gérard s'il est dans le coin? C'est de la part de l'ascensoriste. Le monsieur. C'est la personne qui s'occupe de l'ascenseur. C'est ça. L'ascenseur de l'immeuble. C'est le truc, vous montez dedans, vous appuyez sur un bouton, ça monte et ça descend. Non mais les gens ils comprennent rien ce matin, dis donc. Non mais c'est un truc de dingue quand même, un ascenseur, je parle pas de... Mais tu as bien fait de lui expliquer. Hein. Je ne comprends pas que la dame ne connaisse pas l'ascenseur, je suis extrêmement choqué. Écoute, sois heureux, tu lui as au moins appris un mot nouveau et ça c'est quand même super. Oh, t'as ascenseur, j'ai jamais vu ça. Mais écoute, c'est une espèce de truc qui monte, qui descend, c'est un moyen de transport qui permet d'aller dans un immeuble. C'est incroyable. Pas mal. Pourquoi ça sonne là d'ailleurs? Ah, ça sonne plus. Ah, bah merci, Cariole. Très bien. Je suis d'appuyer sur le bouton, comme ça, t'as vu? Voilà, ça arrête de sonner. Et oui, pas mal. Bon, en tout cas, après ce petit tour dans l'ascenseur, on espère que si vous prenez l'ascenseur, tout ira bien. Ah, il y a peut-être des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs avec les coupures de courant hier soir, avec les orages. Ah, mince, normalement, il y a des sécurités. C'est-à-dire? Bah, il y a un système qui permet de le descendre ou de le monter même quand il n'y a plus de courant. Ah, je savais pas, dis donc. Normalement. C'est totalement aux normes. Parce que j'étais étonné qu'on ait pas eu de message là-dessus. Ouais, peut-être alors qu'il y a peut-être des sécurités. Bah, écoutez, c'est tant mieux qu'ils aient mis des sécurités. Ouais, c'est pas con. Comme donc... s'ils se décrochent, il y a un parachute. Ah, je savais pas, dis donc. J'ai fait du parachute ce matin. Ouais. Mon ascenseur s'est décroché, c'était super. Ouais, hop là. Bon, on prépare Jules, il arrive dans une minute. L'horoscope aussi. Horoscope et Jules dans une minute. Et le sondage du jour, on va découvrir les petits mensonges entre amis. Vous avez des potes, vous avez des copines, est-ce qu'ils vous mentent? Et le sondage du jour concerne tout ça. Vous avez déjà menti aussi à vos potes, vous pouvez nous dire. Hein. Ah bah vos messages, allez-y, on peut faire confiance à Cariole, c'est bien. Voilà, c'est bien. Allez, Jules, mon bijou aussi. Il est 6h52 déjà sur Sky. Cette semaine, Planète Rap exceptionnel avec Prozis, leader mondial de la nutrition sportive. Planète Rap. Écoute Planète Rap dès 20h, déchire le freestyle et fais le plein de protéines avec Prozis. Prozis, une gamme nutritive complète pour sportifs de haut niveau. Planète Rap. Tous les soirs dans Planète Rap, jusqu'au 5 novembre, utilise le code Skyrock sur Prozis et chope 20% de réduction sur toute la boutique Prozis.fr. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon braquage! Renault Twingo est à partir de 99 euros par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Et l'horoscope, c'est parti, l'horoscope de l'amour, on y va. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock, il y a un message chaud, message d'amour de Letty Manolo, 25 ans. Elle nous écrit, elle nous dit, j'étais bloqué dans un ascenseur avec mon chéri et c'était très chaud. Caliente. Ah, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, ça peut être très chaud par moment. On va voir si c'est chaud pour votre mercredi. Voici la puissance amoureuse de tous les signes. On va commencer par les cancers et les verseaux qui ont zéro. Vous serez un petit peu susceptible aujourd'hui. Ne laissez pas le jugement des autres vous contrarier et vous passerez une meilleure journée comme ça. Ouais. 1 sur 5. Ah bah tiens, les capricornes et les Sagittaire. Évitez les grandes décisions sur le plan sentimental. Vous y verrez plus clair demain. Aujourd'hui, stand by. Aïe. 2 sur 5. Les poissons et les gémeaux, vous serez dans votre bulle aujourd'hui. Faites quand même un petit effort pour communiquer avec les autres, sinon ça va être un peu triste. 3 sur 5. J'allais oublier les béliers et les balances. Vous avez 3, les béliers et les balances. C'est bien parce qu'un nouvel projet amoureux vous mettra du baume au cœur aujourd'hui. Bélier, balance, 3. Ouais. 4 sur 5. Les lions et les taureaux, c'est votre audace qui sera payante aujourd'hui. C'est le bonjour pour oser. Et 5 sur 5. Les meilleurs sont les vierges et les Scorpion, célibataire, grande forme pour vous. Et puis vos tentatives de rapprochement seront couronnées de succès. Si vous êtes rapproché de quelqu'un, c'est pas mal. Et pour les couples, votre partenaire vous aimera comme au premier jour. C'est beau, hein. Les vierges, les scorpions, 5 sur 5. Bien. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ça, c'est Jules sur Skyrock. Jules en tournée avec Skyrock. D'ailleurs, petit tuyau hein, pour les Parisiens, les Marseillais. Il sera à Paris, à Marseille à la fin du mois de décembre. Les places sont en vente depuis hier. C'est presque complet. Donc, si vous aimez Jules, dépêchez-vous. Oui, dépêchez-vous. Il passe également à Nantes et à Amnéville. Jules est mon bijou. Oh, dis-moi tout. Y a des bruits qui courent. Y a des têtes qui tournent. Faut que je te dise tout. Il est magique, bon. perds le nord. Oh mon bijou, oui, viens me faire un bisou. Je sers, tu m'as quoi tu joues. Voilà, tu vas me rendre fou. Je veux qu'on se lâche plus quand tu me sers dans tes bras. Je veux présente dans les hauts et les bas, j'y crois. T'es mon bijou, je fous de toi, je veux mon bijou. Je veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou. Jules sur Skyrock, on écoutait mon bijou, le sondage du jour tout de suite sur Sky, ça concerne les mensonges entre potes et entre copines. Bah, il y a deux catégories, les garçons, les filles, tous ouais. Les matins, le sondage du jour. On découvre comment on est, nous, les Français. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Alors, les mensonges que vous faites le plus à vos potes, voici le classement du jour. Classement du jour, on commence par les garçons. Allez. On est galants, on commence par les garçons aujourd'hui. Ah, les garçons, oui, ah, les garçons. Les garçons, et après on fera les filles. Comme ça, tout le monde sera content. On va commencer par, eh bien, le numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, les garçons mentent entre eux sur la durée de leur rapport sexuel. Ah, ça m'étonne pas. On se vante un peu. Moi, je les raccourcis parce qu'après, mes potes sont jaloux. Ouais. Je leur dis, oh ouais, j'ai fait 10 minutes aujourd'hui, un quart d'heure. Ouais, sans plus. Hein. Sans plus, alors que ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Non, on imagine bien. Vous voyez, hein, que les garçons mentent là-dessus. Moi, ça me fait bloquer quand non, même. Non, mais ça, en même temps, ouais, t'es précoce, tu vas pas dire à tes potes, putain, que j'étais nul. Eh ben, Cédric nous l'avait dit, il était très gentil. Ouais, c'est bien, il était honnête. Il avait partagé avec nous. Donc, ça, c'est le numéro 3, la durée des rapports amoureux. Numéro 2. L'argent qu'ils gagnent. Les hommes mentent à leurs potes sur l'argent qu'ils gagnent. Ah ouais. C'est fou ça. Moi je mens jamais. Je gagne pas assez, Romano, tu sais. Ouais, bien sûr. Ouais. Je te le dis entre non, nous. Non, mais c'est vrai, moi je donne jamais mon salaire. Ouais, moi je le connais le salaire de Romano. Oui, bah évidemment, mais bon. Il y a 6-0 dedans. 6-0. Wow. 6-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6-0. Mais on ne donnera pas le premier chiffre, non. C'est indécent. Non, c'est 99. Numéro 1. Et ils mentent également sur le nombre de leurs conquêtes. 91% des gars ont déjà menti sur le nombre de leurs conquêtes. Ouais. Moi je mens pas là-dessus. Il y en a tellement. 10 772. Tout simplement. Depuis hier, hein, bien sûr. Ah bah bien sûr. Les mensonges entre filles, parce que les filles aussi, vous mentez. Oh les vilaines. Numéro 3. Numéro 3, vous mentez sur le prix d'un vêtement que vous avez acheté. Vous avez acheté un truc. Ah bah c'était pas cher, je l'ai acheté 20 euros. Le truc, il vous en a coûté 200. Hein. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Des belles petites chaussures, pas cher du tout. Louboutin, monsieur. Ah toi, c'était en solde. En solde, 10 euros. 10 euros, le chaussure. Numéro 2. Numéro 2, les filles mentent sur leur poids. Ah ouais. Oh, j'ai maigri ce temps-ci. C'est étonnant. Vraiment, j'ai maigri. Oh là là, regarde, je suis toute fine. Et numéro 1. Numéro 1, elles mentent à leurs copines. Quand elles achètent un nouveau vêtement, elles leur disent « Ton vêtement, mais il te va super bien », alors qu'elles sont moches comme des... Ouais, c'est ça. Oh, que ça te va bien. 85% des femmes ont déjà menti à ce sujet. C'est assorti à ta laideur. Oh oui, tu es très laide. Très, très laide, ça te va très bien. Oh, hein. C'est magnifique. Voilà les mensonges entre copains, copines. Méfiez-vous de vos potes aujourd'hui. Ouais. Grâce à Skyrock, vous savez tout. Voilà, devenez parano. Dans 2 minutes, les infos, elles arrivent juste après. Un petit peu de pub, 2 minutes rapides, les infos de Rémi et surtout vos 1 500 euros. Bougez pas et puis du son pour se réveiller. J'avais promis Calvin Harris et Rihanna. Ils arrivent, il y aura du Ken Jones et plein d'autres choses aussi. C'est dans le morning, c'est sur Sky. Juan va tester à l'aveugle 2 cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes. Puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et le 7 octobre 2017. À l'Orange Vélodrome de Marseille. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le radiateur soufflant Thomson avec thermostat et deux niveaux de puissance à moins de 25€ chez Leclerc. Du 6 au 17 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le radiateur Thomson à 24,90€ seulement, dont 22 centimes d'éco-participation. Inutile de résister, un radiateur comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Bon réveil et bonne journée, merci de vous réveiller avec Skyrock ce matin. On a déjà offert l'iPhone 7, il y en aura un autre à gagner à 7h20, c'est bien là. Hein. Ouais. Et on vous a offert un beau chèque de 1500€, c'était pour Kelly, Lindy, les deux amoureux qui étaient dans leur lit ce matin, à Évry, dans leur lit, Kelly, Lindy, 1500€ qui ont été gagnés sur Skyrock ce matin, bravo à tous les deux. Bravo, et 1500€ dans un instant sur Sky. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous inscrivez au 7-20-20. Peut-être qu'on vous appellera ce matin en plus. Hein. 7-20-20, vous envoyez 1500 au 7-20-20. Vous augmentez vos chances de gagner. Et on vous retrouvera peut-être tout de suite là. Préparez-vous. Rémi est déjà prêt pour les infos. On va faire le point sur l'actu. Le point sur les gros orages qu'il y a eu sur toute la France. On va faire un point sur la météo. Le sport également avec le PSG, hein, Rémi. Et Ken Jones qui arrive. Et Rihanna qui arrive aussi. C'est parti, les 7h02. La météo du jour, comme promis. Eh ben, temps agité aujourd'hui, un peu plus agité en tout cas qu'hier, excepté des Hauts-de-France à l'Alsace. Alternance de nuages et d'éclaircies. De manière générale, encore 7 départements en vigilance pour les orages. Le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Ardèche. Des orages possibles des côtes atlantiques aux Pyrénées. Des averses attendues sur le Golfe du Lion et le Massif central. 120 000 foyers sont privés de courant ce matin du Béarn au Pays Basque jusqu'aux Charentes. Les températures comprises actuellement entre 15 et 22 degrés. Il fera de 20 à 30 cet après-midi avec même 31 prévu dans les Hauts-de-France et puis la pollution, c'est moyen. Les indices vont de 4 à 5, 5 à Paris, Bordeaux, Orléans, Montpellier, Besançon et Metz. Et toute l'actu sur Skyrock, l'actu et le sport. Et plein de nouveautés dans vos iPhones ce matin. Le nouveau iOS 10 est dispo depuis quelques heures. Apple a repensé pas mal de trucs. Hein. Tout d'ailleurs est plus ou moins changé. L'interface des SMS par exemple est désormais possible d'envoyer des gifs, d'écrire à la main direct, d'envoyer des liens web ou encore des vidéos YouTube. C'est beaucoup plus simple aussi d'envoyer des photos. Quand vous recevez un texto, vous pouvez configurer pour voir apparaître un ballon, des confettis, une étoile filante. Nouveau look également pour toutes les notifications avec des widgets disponibles quand le téléphone est verrouillé. Terminé également d'ailleurs, tiens, de glisser les écran pour déverrouiller, c'était un truc historique. Eh bien non, c'est fini maintenant, tout se fait avec le bouton home, on clique une fois sur le bouton home et puis le téléphone se déverrouille, ou alors si c'est pas avec votre doigt, il faudra quand même mettre le code, mais il n'y a plus la petite glissière. Une notification pourra aussi être plus détaillée avec votre empreinte digitale, toujours en mode verrouillé. Enfin, l'appli photo est améliorée avec un onglet souvenir qui fait son apparition. Oh, c'est mignon. Ouais, c'est pas mal. Moi, oui. C'est pas mal. La colère des infirmières aujourd'hui, journée de mobilisation pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Les grévistes porteront un brassard noir dans les hôpitaux et des débrayages d'une heure ou deux sont possibles. Stupeur et colère dans un lycée de Glaizé, non loin de Villefranche-sur-Saône en Rhône-Alpes. L'ado de 15 ans qui a poignardé un de ses camarades, une de ses camarades a reconnu les faits. Pire encore, il s'agit d'un acte prémédité car il en avait le projet depuis les vacances d'été. Ses motivations sont toujours assez floues. Il semble que ce soit une histoire de cœur qui aurait mal tourné. La jeune victime est toujours dans un état critique. Hillary Clinton sur le chemin des meetings. Dès demain, la candidate démocrate va reprendre sa campagne après avoir été soignée pour une pneumonie. D'ici là, c'est Barack Obama qui assure sur le service après-vente, alors que sa cote de popularité grimpe en flèche en cette fin de mandat. Le premier grand débat télé entre Clinton et Trump est prévu dans 13 jours. Fais le point sur le sport et le PSG hier soir. Ouais, le PSG et Arsenal qui se sont neutralisés au Parc des Princes à l'occasion de la première journée de la Champions League. Cavani a marqué au bout de 43 secondes, mais a gâché par la suite de nombreuses occasions. Prochain match dans deux semaines, le 28 contre Ludo Goretz. On a les notes d'ailleurs hein, des joueurs du PSG, les notes données par l'équipe. Bon, c'est pas fameux, hein. 6 pour Areola et 7 pour Ray, ça c'est bien. Mais alors 5 pour Maxwell, 6 pour Rabiot, ouais, c'est pas mal. 6 pour Matuidi, 3 pour Cavani, forcément. 3 pour Cavani, pourtant il a marqué Cavani. Un but, Cavani. Bah oui, mais après il en a raté. Paquet, voilà, ouais. Quoi, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis 4 pour Di Maria, voilà. Bon, ils ont pas noté même, l'entraîneur, non? Ils ont pas noté Emery? Non, ils ont pas noté Emery. Ils auraient pu le noter. Ouais. Oui. Les Jeux Paralympiques avec une nouvelle médaille en or français, c'est Fabien Lamyrault qui l'a emporté hier en tennis de table. Belle performance pour le pongiste qui est déjà champion d'Europe et du monde. La France a désormais 14 médailles, dont 4 en or, et pointe à la 16e place du classement. Merci Rémi pour les infos, il est 7h06 sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. I must stay dans le morning de Tifoul. Hey, what's up, this is 50 Cent, you're now listening to my homeboy, The Fool. Hey, this is Justin Timberlake, bienvenue dans le morning de Tifoul. The morning show 6h-9h sur Skyrock. Eh oui, ils sont tous là, et nous aussi, on est tous dans le morning, bienvenue sur Skyrock. La France se réveille, nous aussi. Ouais. Et on se réveille dans un instant avec Black M. Black M pour le réveil de Star. Black M appelle des familles. Ouais, il appelle des familles. Vous imaginez vous faire réveiller par Black M le matin, c'est bien. Hein. La classe. Ouais, quoi que se faire réveiller par nous, c'est pas mal non plus. Écoutez, il y a une demi-heure, Kelly a gagné 1500 €. Elle a failli faire un malaise grâce à nous. Ouais, mais c'est bon, c'est gagné. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Black M prend son téléphone, c'est le réveil de Star du jour. Allô. Allô, Black Allô. M. Comment tu vas? Ça va pas mal ce matin. Ça va. C'est roule. Black M. Oui, je t'ai reconnu. Hein, tu es Black M. Et on t'écoutera peut-être ce matin. Enfin, on va t'écouter sûr dans un instant pour le réveil de Star. On dénoncera les arnaques dont on peut être victime sur Facebook. Il y a un paquet d'arnaques. Romano vous a fait la liste. Ce sera tout à l'heure dans vos conseils pas chers. Ouais, c'est ça. Je gagnerai de l'argent grâce à ça. Eh ben, j'espère pour toi aussi, Romano. Et puis à 7h20, on jouera à Info Mytho. Dans Info Mytho ce matin, un iPhone 7 à choper. Notez bien les numéros d'ailleurs si vous voulez nous laisser des numéros, des messages tout à l'heure. Vous allez au 41 759. Je dis ça notamment pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les matins. Salut les nouveaux. Salut les nouvelles. Salut, bienvenue. Oui, on salue Julie d'ailleurs, qui est une nouvelle, qui nous a laissé un message tout à l'heure, il y a deux minutes, je t'ai vu Julie. Donc 41 759, ou alors l'appli Skyrock, vous la téléchargez et vous communiquez avec nous tout au long de cette matinée, comme Blue, comme Miss Stone, comme Steven, comme Maxime, comme Bad Boy, comme Tino, pour, comme, Just Charlotte. Comme Fred, comme Charlotte aussi, à qui on fait un bisou. Bisous Charlotte. Bisous, je te fais un bisou. Bisous. Allez, Ken Jones arrive pour Don't Mind, mais tout de suite, votre chèque de 1500 €, vous l'attendez, je ne fais plus attendre, allez. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock, c'est Skyrock. 1500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Oui, on a bien démarré la matinée. Il y a une demi-heure, on offrait déjà 1500 €. Et là, Romano, je t'entends ouvrir l'enveloppe. Et elle est ouverte. Elle est ouverte et elle nous amène où? On était à Évry il y a une demi-heure dans le 91. Ouais, changement de réseau, on part dans le 47. Ah, on va dans le sud-ouest, là où il y a eu des orages, tiens. À Tonnens. Ah, Tonnens. Et Tonnens. Oui. Et c'est Ahmed Abiza. Ibiza, non? Non, Abiza, là. Ibiza. I took a pill in Abiza. Non, là, c'est il y a une chanson, Ahmed. Alors, Ahmed Abiza, 1500 € à gagner. À Tonnens. Allô? Allô? Bonjour, madame Abiza. Oui, bonjour. I took a pill in Abiza. C'est la radio au téléphone, madame Abiza. On est en direct. Et on vous appelle ce matin parce qu'on vous a tiré au sort et on vous appelle pour vous offrir 1500 €. Oui? Oui, il faut répondre à une question. C'est quoi ton prénom d'abord? C'est Ikram. Ikram. Alors Ikram, il faut me dire quelle est ta radio préférée. Si tu as la bonne réponse, Ikram, tu repars avec un chèque de 1500 €. Skyrock. Eh bien, Ikram, tu enlèves le E et c'est gagné. Ben oui, bravo. Ah ben voilà, bravo. C'est Skyrock. Tu viens de gagner 1500 €, Ikram. Bravo, Ikram. Bravo. Et voilà, on te tire au sort dans l'annuaire, comme ça on te passe un coup de fil et tu gagnes. D'accord. Ben oui, ma chérie. T'es contente? Oui, je crois. Elle ne croit pas, Ikram. Alors, je te présente l'équipe. Tu connais Romano? Oui. Il est là, il est en face de moi, il est tout chaud, il va te faire un gros bisou. Gros bisou. Et attention, juste après, il va essayer de te gratter de la thune. Gros bisou, je pourrais avoir un petit truc. Tu vois, tu l'as reconnu. C'est ça. Oui, c'est ça. Eh bien, t'as gagné 1500 €. Toi aussi, t'es en train de te réveiller. C'est bien, on se réveille avec 1500 € ce matin. C'est exactement ça. Exactement ça. Tu fais quoi dans la vie, Ikram? Je travaille à 29. Tu travailles, hein? Vendeuse. Je suis vendeuse. Ah, vendeuse. Pardon, excusez-moi, j'avais pas de compris. Vendeuse, t'es vendeuse de quoi? Prêt-à-porter. De prêt-à-porter. Homme-femme. Ah, bah tu vois, là, ça, je t'ai dit de dire. Quelle marque? Kiabi. Kiabi. La mode à petit prix.

Black M va faire. Allô. Oui, après il va faire. Comment tu vas? Voilà, et après on va voir ce qui va se passer. C'est parti, c'est tous les matins sur Skyrock, votre réveil de star. Vous nous aviez demandé Black M, hein. On l'a fait spécialement pour vous. Allez, Black M et Christian. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, écoute-moi, espèce de connard, comment ça va? C'est Black M. Ouais, bah, bien sûr, ouais, Black M. T'es déjà venu nous voir en concert? Et pourquoi je viendrais à ton concert? Je veux pas me déplacer pour un petit con comme toi. Pourquoi je viendrais à ton concert? Moi, je crie énormément sur scène. Oui, oui, vas-y, crie. Surtout quand je vais te mettre un doigt dans le cul, tu vas crier encore plus fort. Mais tout en Black M. C'est le sentiment qui parle. Mais bon sentiment. Viens, mais oh putain, mais je t'attends, mais mon grand, vas-y. Tu perds le contrôle quelque part. Ah, ça. Non, je perds pas le contrôle, pas du tout. Tu es fou. Ouais, non mais t'inquiète là, je suis en train de t'enregistrer là, mon grand. Ça fait énormément plaisir. Mais insiste. Regarde, là c'est bon, là t'es fiché. Là c'est bon, toi j'ai un appareil. Mon son il passe à la radio. C'est la face à la radio ta chanson, vas-y. Vous allez faire la fête pendant toute une année entière. Bah viens à la maison, on va faire la fête. Non. Tac la gueule, petit con. Le message il est subtil. Oui, il est subtil, ouais, va chercher les grands mots, ouais, va chercher les grands mots. Moi, il est pas subtil. Ah non. Ben non, je veux pas raccrocher. Ben non, mais je l'emmerde. J'emmerde plus qu'autre chose. Ça fait énormément plaisir. Ah, bah moi aussi, genre. Vraiment, le contact a été très bon. Merci à Christian. Et sa femme dirait, raccroche. Non, je raccroche pas, non. Christian qui traite tout dans la subtilité, hein, comme vous avez pu le remarquer. Hein. En tout cas, il a invité Black M à faire la fête, c'est gentil. Et à lui mettre un petit doigt dans le cul. Aussi, ouais. Alors, Black M, si tu nous écoutes. Le bonus. Tu vas être content, t'as eu la totale ce matin. Tu es content, c'est bien passé. Hein. Bien, merveilleux. Ah, bah même très bien. Et puis n'oubliez pas le magnifique appareil de cette famille. Sans doute la fameuse table d'écoute. Oui, la table d'écoute qu'on voyait dans les films des années 80, vous savez. Ouais. Bah genre c'était quoi dans le film de Coluche là? Il y avait une table d'écoute. Ouais, il y avait une table d'écoute. Je sais plus dans lequel. Et bah voilà. Ouais. Bah lui, il a la table d'écoute. Eh ouais, il l'a récupéré. Ah, ils sont trop forts. J'adore vive les familles de France, hein, c'est les meilleurs. Ah, j'ai l'appareil. Et merci Black M qui sera de retour tout à l'heure pour un nouveau réveil de star. J'espère que ça se passera mieux. Hein. Et merci à Christian de sa participation. Hein. En effet, et la femme de Christian, guest star qui était derrière. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.

Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les pantalons énergétiques effet ventre plat 3 coupes au choix sont à partir de 19,99€. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes. Superbe. Des licornes. T'es sûr de toi? Ah oui, ils s'envolent dans le ciel, traversent les paysages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Jusqu'au 26 septembre, profitez de billets intercités à partir de 15€. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Et c'est reparti, c'est reparti à 7h27, on joue à Info ou Mytho. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Regardez les messages que vous envoyez, c'est bien parce qu'il y en a plein qui ont, il y en a plein qui ont pas cru, il y en a plein qui ont cru, c'est assez partagé pour les réponses. Info ou Mytho, le Niçois qui est tombé du premier étage parce qu'il a confondu la porte grande ouverte avec la fenêtre grande ouverte avec la porte d'entrée. Ouais, ça allait bien. Le mec, c'est, oui, il était bourré. Ouais, bah complètement. Mmh. Alors, est-ce que c'est une info ou un mytho? Il y a Olivier qui va tout nous dire, on file à Boubou, Boulbi, Boulogne-Billancourt. Salut Olivier. Salut Diffoul, salut Romano, salut Cariole, salut tout le monde. Salut. Alors, le Niçois, est-ce qu'il est vraiment tombé du premier étage parce qu'il était trop bourré, qu'il a confondu la porte avec la fenêtre grande ouverte? Ah bah ouais, il est vraiment tombé du premier étage, il y a un faux, ouais. Et Romano, tu m'as posé une question grave il y a Oui, savoir dans quel état il était, par exemple s'il était décédé. Eh bien non, il s'est juste cassé une jambe. Ouais, il a de la chance. Ah, ça va, ouais. Oui, ça va. 40 ans, il a chuté dans le vide, il avait un peu trop bu, il a déclaré. Ouais. Oui, un peu trop, un trop mec trop. Il était ivre mort, ouais. Ouais. Bon, bonne réponse, tu es qualifié pour jouer avec nous à Info. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est bien, vas tenter l'iPhone 7. Pour l'instant, ils sont tous tombés les iPhone 7 depuis lundi. Hein. Bah, on va voir pour toi. J'ai l'impression. Ouais. Allez, la pression monte, c'est parti. Info ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Alors, nos grands reporters sont là. Enfin, nos grands reporters, 1m54, mais bon, grands reporters quand même, Romano. Ouais, alors, moi, ça se passe en Slovénie. Oui. Une petite ville a décidé de transformer une des fontaines de la ville pour attirer plus de touristes. Et la petite ville a décidé de changer l'eau par de la bière. Oh, ça va plaire à Cariole et à Marie, ça. Ouais, pour attirer quelques touristes assoiffés. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va quand même falloir payer. Il va y avoir un mec, il va falloir payer pour pouvoir boire donc genre la tasse de la fontaine. Info ou mytho? Une fontaine à bière, ils ont inventé ça les Slovènes. Hein? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Écoute la faute de Cariole avant de décider, Olivier. Ouais. Moi, ça se passe dans l'émission Les Maternelles sur la 5, vous connaissez? Non. C'est l'émission pour les mamans. Ah, c'est ça. C'est peut-être pour ça que je connais pas. Voilà, c'est pas trop pour le public. Et pendant un direct, en fait, il y a une journaliste qui s'est fait un pipi dessus. Oh, elle s'est pissée dessus, la journaliste. Faux ou mytho? Bonjour, bienvenue dans les maternelles. Psst. Alors Olivier, qui dit vrai, qui dit faux? La journaliste qui se fait pipi dessus sur France 5 ou la fontaine à bière de Romano? Je crois que c'est la fontaine à bière. Il me semble que j'en ai entendu parler, je crois que c'est vrai, info. Donc info Romano info. Et ouais. Mytho, Cariole, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'encore un iPhone va tomber sur Sky? Eh ben ça y est, il est tombé, il tombe. Il est cassé alors. Ben voilà, foutu, mais c'est gagné. Bravo. Oui, mais un conseil, mets une coque. Ouais, parce que c'est fragile. Merci, je suis trop content. Mais tu l'as, il est à toi l'iPhone 7, Olivier. Bien joué. Ouais, j'en avais entendu parler de ce truc-là en plus, donc ouais. Eh ben bien joué. Ouais. Une fontaine à bière, ça existe. Et là, je suis déçu, la journaliste s'est pas pissée dessus, ça m'aurait fait rigoler, ça. Non, c'est un enfant avec qui elle était en ligne, en fait. Tu sais, tous les jours, elle appelle des écoles, et pendant le duplex et le direct, il y a un bébé qui a fait pipi et qui s'amusait avec son pipi après. Oh, c'est mignon. Il jouait avec son pipi. Ouais, génial. Il faisait floc-floc dedans. Ouais, il s'amusait à patauger dedans. Oh, sympa comme tout. Sympa comme tout. Olivier, l'iPhone 7, il est pour toi. Ah, je suis trop content, là. Putain, je suis comme un dingue, là. Bah, juste avant d'aller bosser, tu fais quoi dans la vie, Olivier? Moi, je suis chargé de clientèle. Très bien, bah tu salueras les clients, tu pourras te la péter aujourd'hui. L'iPhone, il arrive à la maison. Ah ouais, je vous écoute tous les matins et tous les soirs. Et franchement, vous êtes les meilleurs et bon courage à Cédric. Eh bah, c'est gentil. On l'a eu tout à l'heure. Il va bien, Cédric. Il est dans son lit. J'ai entendu. Ouais, il a l'air de ça va. Il a avec sa clavicule cassée. Il a la clavicule qui est toujours cassée à la suite de sa chute en moto. Cédric est un grand motard. Hein. Ouais. À pilote. Ouais, big up à lui en tout cas. Eh bah, c'est gentil. Salut Olivier. Ciao. Salut Diffoul. Ciao. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. C'est nous. Et le morning avec Zao et MHD. Ah super ce morceau, laissez Kouma. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain, on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. C'est les Koumas sur Skyrock, MHD et Zao, bis à Zao et petit salut à MHD aussi. Ils sont venus nous voir souvent à Sky, les deux là. Mais oui. Laissez les Koumas, une découverte Skyrock à 7h32. On prépare Drake. Ah, Drake. Pitbull Florida aussi. Vita et Jul également. Ouais. Et les 1500 euros. Pour l'instant, c'est 100% de réussite aux 1500 euros. Déjà deux chèques. Ouais, deux chèques. Un qui est tombé à Tolens dans le 47 chez Ikram. Ouais. Et puis un qui est tombé il y a une heure chez Kelly dans le 91. Un nouveau chèque à gagner. Encore 1500 euros si vous répondez Skyrock. Inscrivez-vous au 720. Vous auriez 1500 au 720 pour augmenter vos chances de gagner. Bah, il y a un gagnant au 720, c'est Kelly. Elle s'était inscrite. Et puis une qui s'était pas inscrite, c'est Ikram. L'annuaire, ouais. Voilà, l'annuaire, tranquille. Ouais. En tout cas, quand on vous appelle, vous répondez Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. On va dénoncer les arnaques Facebook. Il y a des arnaques sur Facebook, vous allez sur votre Facebook, faites attention. Romano vous dit tout dans les conseils pas chers dans 10 minutes. Et j'arnaque en live. Et il arnaque, il peut pas s'en empêcher. C'est une maladie chez lui. Hein. Oui, bah c'est les conseils pas chers surtout. On l'aime comme ça. Hein. Et Rémi est là pour les infos. Yeah. On va faire un point de suite sur la météo avec les gros orages d'hier soir. Où ils en sont, les orages? Depuis quel temps va-t-il faire aujourd'hui, mercredi? Alors, le temps est un petit peu plus agité aujourd'hui, excepté dans le nord, hein, des Hauts-de-France à l'Alsace. Alternance de nuages et d'éclaircies de manière générale, mais on a encore 7 départements en vigilance pour les orages. Ça concerne le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Ardèche. Des orages possibles des côtes atlantiques aux Pyrénées, des averses attendues sur le golfe du Lyon et le massif central. 120 000 foyers étaient privés de courant ce matin du Béarn au Pays Basque et jusqu'aux Charentes. Les températures ce matin comprises entre 15 et 22 degrés. Il fera de 20 à 30 cet après-midi, avec même 31 prévus dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices vont de 4 à 5. 5 à Paris, Bordeaux, Orléans, Montpellier, Besançon et Metz. Eh bien Paris, on en reparle. On va parler foot dans un instant, mais tout de suite le reste de l'actu sur Sky. Deux morts par noyade, rien que pour la journée d'hier. Soyez vigilants si vous allez vous baigner par ces fortes chaleurs. Une personne est décédée sur la côte atlantique à une dizaine de kilomètres de Béziers. Une autre n'a pas pu être ranimée par les pompiers du Cap Ferret. Au moins 4 baigneurs ont été secourus hier in extremis. Le bras de fer qui a véritablement commencé entre le gouvernement et Alstom. Le constructeur de train accepte de négocier mais ne change pas de stratégie pour l'instant. Le gouvernement, les syndicats et la direction se laissent 10 jours pour négocier. François Hollande a encore martelé hier que tout sera fait. Certains députés de droite taclent l'exécutif qui aurait été alerté de la situation dès l'an dernier. Une mobilisation est prévue demain à Belfort. La colère des infirmières aujourd'hui. Journée de mobilisation pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Les grévistes porteront un brassard noir dans les hôpitaux et des débrayages sont attendus, des petits débrayages d'une heure ou deux. Israël qui retient son souffle. Shimon Peres est dans un état grave mais stationnaire. L'ex-président israélien et prix Nobel de la paix âgé de 93 ans a été victime d'un AVC. Il est hospitalisé depuis hier soir à Tel Aviv. Il est considéré comme étant le dernier homme politique issu de la génération des pères fondateurs d'Israël. La page platine est définitivement tournée aujourd'hui. L'UEFA va élire son nouveau président à Athènes en Grèce. L'ex numéro 10 des Bleus a reçu l'autorisation de s'y rendre. Il sera remplacé par le Slovène Alexandre Seferin ou par le Néerlandais Michael Van Praag. Et le foot sur le terrain avec PSG Arsenal. journal, les fans parisiens entre déception, tristesse et énervement. Eh oui, un mot revient partout dans la presse ce matin, de l'équipe en passant par le Parisien. Gâchis, le PSG, Arsenal se sont neutralisés hier au Parc des Princes à l'occasion de la première journée de la Champions League. L'histoire avait pourtant bien commencé avec Cavani qui a marqué dès la 43e seconde. Mais voilà, par la suite, rien ne lui a réussi à Cavani. Il a fait beaucoup d'erreurs et de gâchis. Prochain match dans deux semaines, le 28 contre Ludogorets. Faut absolument le gagner. À noter la victoire du Barça, 7-0 contre le Celtic Glasgow avec un triplé de Messi. Ça passe également pour l'Atlético Madrid et pour le Bayern. À suivre ce soir, à Monaco qui se déplace à Tottenham et Lyon qui accueille le Dynamo Zagreb. Ça annonce une soirée chargée dans la Radio Libre. Ah, et a priori, t'as dit une connerie. Oui. Hein, Béziers, c'est pas sur la côte atlantique. Hein. Non, Béziers, c'est du côté de la Méditerranée. Bah, a priori, si, parce qu'il y a au moins. On a au moins 2000 messages depuis 10 secondes. De protestation qui demandent ta démission. Démission, licenciement. Alors attends, je relis mon truc. Des cours de géographie, des profs de géo qui se proposent également pour venir t'aider. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Merci Rémi pour les infos. On retrouve dans une demi-heure. Ah, oui, effectivement. Là, il ne l'ouvre plus. Là. Effectivement, il s'est trompé. Ah, il ferme sa gueule. Oui, c'est vrai. Non, mais je reconnais mon erreur. Voilà. Bon, allez, 7h36. On vous offre 1500 euros tout de suite. En direct de l'appart. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. The morning show. Bien, Romano, j'aime bien quand tu dénonces tes petits camarades. Merci pour vos messages également. Hein. Ah, mais il y a eu plein de plaintes et ça continue d'arriver. Ah, bah vous avez le droit. Si vous n'êtes pas content d'un truc du morning, vous pouvez nous dire au 41759 et sur l'appli. On fait tout pour plaignez-vous. Oui, on fait tout pour résoudre les problèmes. Cours de géographie pour Rémi. Pour Rémi, ah, mais je le sais en plus. Hein. C'est juste que, je sais pas, des fois quand t'écris, tu penses à autre chose. Ouais, c'est ça. Bah, bravo. Bah, voilà, fais comme moi, écris rien. Voilà, ouais. Improvise. Comme ça, ouais. Bon, on va parler des arnaques les plus fréquentes sur Facebook. Certaines de ces arnaques sont des véritables petits espions qui viennent se loger dans votre ordinateur. Méfiez-vous, mais heureusement, Romano est là pour dénoncer tout ça dans les conseils pas chers dans 5 minutes. Je dénonce et j'utilise en live pour arnaquer des familles. On va voir si ça va marcher. On aura le loser du jour aussi à retrouver avant 8h du matin. Et puis évidemment, 1500 euros à vous offrir. Déjà deux gagnants, une matinée qui coûte cher, ça fait plaisir. Ouais. 1500 euros, c'est tombé deux fois et ça tombe peut-être maintenant pour vous. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui ? Tu fous le tapel ? Ouais, c'est pas possible. Skyrock. Tu gagnes. Et j'espère que vous allez encore gagner 1500 euros dans l'enveloppe. Un numéro de téléphone. Voilà le numéro. Et un endroit où on va aller en France. Où est-ce qu'on va ce matin ? On va dans le 10. Si vous nous écoutez dans le 10, il y a 1500 euros pour vous en direct à 7h37. Et on va donc à 3 dans le 10. 3 dans le 10, ça fait 13 carrément. Ouais. Et on appelle James. James Heyman. Hi, Heyman. Hey, yeah, what's up, man? Amen, James, en direct ce matin. C'est bien qu'on ait que des gagnants ce matin. Yeah, man. On n'a pas fait une matinée 100% gagnant. Non, pas encore. Allez, 1500 euros à choper. Ah, James, Amen. Quatrième sonnerie, attention, il ne reste plus qu'une. Une dernière sonnerie pour la famille Amen. Allô. Bonjour, madame Amen. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, comment allez-vous? Ça va? Bon. C'est qui? Eh ben c'est la radio, madame Amen. On est en direct à la radio ce matin. Hey, man. Et on vous appelle pour vous offrir de l'argent. Vous êtes tiré au sort et il y a 1500 euros à gagner, madame Amen. Hey, what's up, hey, man? Vous êtes là? Oui. Ah, je vais vous poser une question. Si vous avez la bonne réponse, c'est comment votre prénom d'abord qu'on sache, qu'on se connaisse un petit peu? Francine, comme la farine. Mmh. Francine, je vous pose une question. Je vais vous demander quelle est votre radio préférée. Si vous répondez, si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1500 euros. J'ai failli vous la donner, la bonne réponse. Ouais. Quelle est votre radio préférée, Francine? J'en écoute plusieurs, mais j'écoute RFM, j'écoute Chérie FM, j'écoute. Aïe. Vous avez entendu les bruits derrière. Ça ne va pas. C'était Skyrock, Francine. Excusez-moi. Non, c'est pas grave, Francine. Pas grave. Viens nous rejoindre. On est là tous les matins sur Skyrock. On fait les cons, on passe du bon son. Et en plus, on offre des sous. D'accord. Donc la prochaine fois, tu sauras. On t'appelle, on te demande quelle est ta radio préférée. Tu réponds Skyrock. Et ben voilà. C'est ça. Francine, yeah, man. Francine, tu es acceptée dans la grande famille Skyrock. T'es la bienvenue. On t'embrasse. Merci, au revoir. Salut Francine. Ciao. Salut Francine. Et 1500 euros. Au revoir. Et 1500 euros à gagner dans moins d'une demi-heure. On recommence. Vous répondez Skyrock. Hein. Essayez dans la poche. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow. Make you lose control. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, le son de Drake. 7h42, les arnaques Facebook. Et oui, on peut se faire arnaquer sur Facebook. Attention. Méfiez-vous, mais heureusement Romano est là, je vous l'ai dit. Romano est là pour dénoncer. Je dénonce toutes les arnaques Facebook. En fait, c'est des espèces d'applications ou des fonctions qui te, ouais, qui c'est ça, sont proposées. Donc. Ou des trucs que tu reçois et tu cliques dessus et tu te fais baiser. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà fait baiser. Je vais pas poser la question, mais si vous êtes déjà fait baiser, vous avez déjà chopé un virus, un espion sur Facebook. Voici tout de suite les conseils pas chers à 7h42. Rihanna, 245 millions sur son compte en banque. Hello. Romano fera-t-il plus fort? C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Hello Rihanna. Hello Riri. Hello Riri. Alors, c'est quoi les arnaques les arnaques dont on est victime sur Facebook? Bon, la plus répandue, c'est tu reçois un post qui a visité mon profil. Ouais, donc tu vas voir. Ouais, bah il faut pas y aller parce qu'en fait, ça installe des trucs dans ton ordi et c'est la merde. Ah. Qui a visité mon profil? Eh bien, un espion, oui, qui est dans ton ordi. Un espion. Le deuxième truc. Si tu reçois qui a visité mon profil, tu tapes pas dessus. Ah non, bah il faut tu pas cliquer pas dessus. Non, mais ouais, c'est par exemple le deuxième truc, c'est bah justement la sextape de Rihanna. Oh merde. Ah voilà. Je me suis fait baiser. Ah alors, forcément les gens cliquent dessus, hein, Rihanna à poil, elle a fait bah, oui, bon, et oui. Les gens ils se font baiser parce qu'il y a des trucs installés dans l'ordi. Oui, alors après le troisième, le troisième c'est avoir le bouton je n'aime pas. Bon, il oui. Y a quand même encore des gens qui se font avoir, c'est-à-dire qu'ils cliquent et bon, le bouton je n'aime pas n'existe pas. Hein. Ah, ils te proposent le bouton je n'aime pas. C'est ouais, c'est ça, ça, ouais. Et ça, c'est un espion. Ah oui, oui, pareil, ouais. Quelle escroquerie. Les gens, vraiment, Romano, je pense que ça te choque, toi qui es si honnête. Ah, bah, les c'est gens clair. Sont des escrocs. Non, hein. Mais c'est dingue, ça. C'est fou. Il y en a un aussi qui est connu, c'est vérifier si un ami vous a supprimé. Bah, les gens cliquent dessus pour voir et en fait, ils voient rien du tout. Ouais. Et il y a aussi passer son Facebook en couleur. Tu sais, au lieu que ça soit bleu, ils changent les couleurs. Bon, ça ne sert absolument à rien. Il y a quand même des gens qui cliquent dessus qui se font avoir. Bah, j'espère que ça vous est pas arrivé tout ça parce que tout ça c'est des espions dans l'ordi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un classique les billets gratuits pour Disneyland. Ah, t'as un truc qui arrive. Ouais. Oh, tiens, tu veux des billets gratuits? Tape ici. Clic. Ouais, voilà, clique. Les gens, ils cliquent. Ils et ben cliquent, voilà. Ils sont baisés. Et là, c'est le drame. Et c'est le drame. Et ce matin, les gens que je vais appeler ont cliqué. Ah, sur ouais. Sur ouais. Quoi? Je suis sûr que tu vas faire la sextape. Ouais, la sextape de Rihanna, ouais. Et ils ont cliqué. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, il y a une facture qui a explosé et il faut payer. Oui. Eh ben oui. Eh ben oui, ben, il faut toujours payer. Hein. C'est toujours. 190 euros. Ah, c'est le prix de la. Ah, ouais. Elle coûte cher la sextape de Rihanna. Mais c'est Rihanna quand même. Luxe. Ouais. Luxe. T'as jamais cliqué sur un truc comme ça? Moi, j'ai déjà fait. Hein. Ah non, non, non. Bah non, bah c'est des trucs à gogo. Bah oui, j'ai vu. Bah, merci Romano, je suis à gogo. Oui. Ah. Allô Patrick. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu Patrick? Ça va. Bah écoute, ça va moyen. Tu as Facebook Patrick? Ah. T'as un compte oui. Facebook? Oui. Ah, oui, parce qu'en fait, je t'explique, Patrick, je travaille chez Facebook, moi. C'est pour ça que je me permets de te dire tu. Dans les startups, on se dit tu. Bon, d'Ivoire, t'as cliqué sur pour voir la sextape de Rihanna, la petite vidéo coquine de Rihanna. Et le problème qu'il y a, c'est que t'as fait une connerie. Ça va te coûter 190 euros, mon Patrick. Et il faut la payer, la sextape, dis donc. Parce que c'était une arnaque. Patrick ? Oui. Est-ce que tu es chez toi ce matin ? Oui. Ben, je vais arriver vers 8h. Je vais enlever les virus de l'ordinateur et puis je te montrerai la sextape contre 190 euros. Oh. Mais ouais. Après, t'es tranquille. Hein. Après, virus, plus aucun souci. Hein. Et la sextape en prime. Je passe à 8h. Bah d'abord je pars au boulot donc. Bah il faut que tu m'attendes. Hein. Ah non bah ce matin là je te dis tu peux pas partir comme ça Patrick hein, c'est une question de vie ou de mort. N'importe quoi. Bah si bien sûr que si, des virus dans l'ordinateur il peut y rester l'ordi. Ah ouais ça c'est clair, il faut que je le soigne. Hein. Oui. Ah déjà tu tombes. Bon oh. Patrick j'arrive bon si tu pars à 8h j'arriverai à 8h-10 dans 5 minutes même pas. Non, mais d'abord, moi je pars. Ah ben non, mais tu peux pas. Parce que là, j'attends déjà pour que je parte. Ah ben non, mais la Patrick, tu peux pas partir comme ça, merde. Ben oui. Ah non, mais c'est impossible, Patrick. Et nous, je te le dis. Déjà, moi, ça m'étonnerait que je fasse sur Facebook que j'ai été voir Rihanna, ou je sais pas ce que tu m'as dit, là, déjà. Rihanna, c'est ça. Rihanna, t'as été la voir, t'as dit. Rihanna, là. Donc déjà, ça m'étonnerait déjà fort. Non, mais je pense que t'es un gros cochon, t'as vu cette step, t'as cliqué dessus, et puis voilà. Ah cochon, ah mon salaud. Déjà je veux pas sur internet donc déjà à mon avis ça serait déjà compliqué hein. Ah bah t'as un virus sur le Minitel aussi. Ah moi aussi. Bah, c'est terrible, il y en a partout. Ah ouais il y en a partout en ce moment. Bon bah de toute façon j'entends, il y a ta bonne femme à la maison là. Non pour l'instant non, elle est pas là. Non mais j'entends quelqu'un derrière, c'est qui? Non c'est ma copine. Ah c'est ta copine, ouais bon c'est un peu ta femme. Non, c'est pas ma femme, c'est ma copine. Ben ça va lui faire plaisir. Oui. Aux deux. Bon, ta copine, elle reste à la maison, elle? Non, alors, on a un boulot, hein. Ah, ben non, mais faut attendre. Il faut payer les impôts, hein. Il y en a un des deux qu'il faut qu'il reste, hein. Ben non, ça m'étonnerait qu'elle reste aussi, hein. Ça m'étonnerait. Bon, sinon, je viens de voir ce soir pour l'heure de l'apéro. Oh, si tu veux. Allez. Mais bon. Je viens à 19h. Je dis virus, on boit l'apéro, tu me donnes 190 balles et on n'en parle plus. Ouais, c'est sûr. Là, tu peux toujours courir. Allez. Ah bah je cours jusqu'à chez toi. Bah ouais, pour 190 euros, il va courir. À tout à l'heure, mon Patrick. Eh bien voilà. Hop, invité pour l'apéro. Et un apéro ce soir, tu vas venir dans la Radio Libre, tu vas être bourré. Ah ouais, je vais voir Patrick et sa copine. Bon, je vous conseille donc la Radio Libre ce soir dès 21h pour en savoir plus. Ouais. Patrick et ses copines. Et faites attention aux arnaques Facebook, il y en a plein qui se sont fait escroquer. Ouais. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Hein. On salue d'ailleurs ceux qui sont là. Renaud qui nous a envoyé une photo, salut Renaud. On salue Nico Béa également qui nous fait un gros bisou. Bisou Béa, et on va saluer dans un instant notre loser du jour. C'est un mec qui est passé à la télé et qui aurait pas dû. Merde. Parce qu'il s'est fait traquer, mais vous en saurez plus dans un instant sur Skyrock. Le loser du jour débarque. Et puis votre horoscope de l'amour, notre horoscope de l'amour dans une minute. On va tout savoir, même pas. Hein. Même pas une minute, il arrive et le son de Pitbull et Florida aussi juste derrière. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Je l'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier en fait. Non mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, la Polo All-Star suréquipée est à 140 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1606 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation et réseau participant. Gâteau chocolat, citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. Intersport. Les femmes sportives sont à l'honneur chez Intersport. Dès le 14 septembre, les chaussures femmes Nike Air Relentless 6 sont à 48,99€ au lieu de 69,99€, soit 30% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Et notre horoscope, le seul horoscope de l'amour, c'est sur Skyrock dans le morning tous les matins. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh bien, pour la bonne note, la réponse est oui. Bonne note ce matin pour les Vierges et les Scorpions. Une puissance amoureuse à 5 sur 5. Bravo les Vierges, bravo les Scorpions. Si vous êtes célibataire, vous serez en grande forme aujourd'hui et vos tentatives de rapprochement seront couronnées de succès. Et si vous êtes en couple, votre partenaire vous aimera comme au premier jour. C'est bien. Magnifique. Les Vierges et les Scorpions, 5. 4 sur 5, les Lions et les Taureaux, c'est bien aussi. Votre audace sera payante aujourd'hui. Vous avez des couilles, vous le montrez. C'est un bon jour pour oser. Même les filles. 3 sur 5, les Béliers et les Balances. Un nouveau projet qui vous mettra du baume au cœur va se présenter à vous aujourd'hui. 2 sur 5, les Poissons et les Gémeaux. Vous serez un petit peu dans votre bulle aujourd'hui. C'est normal pour un poisson, ça fait des bulles. Ouais. Faites quand même un petit effort pour essayer de communiquer avec les autres. 2, c'est pour les Poissons et les Gémeaux. 1, c'est pour les Capricornes et les Sagittaires. Un petit conseil pour nous, les Capricornes et les Sagittaires. Évitons les grandes décisions sur le plan sentimental. On y verra un petit peu plus clair demain. Et pour finir, eh bien, les Verseaux. Ah merde. Ouais, bon, il y a des jours sans. Hein. Les Verseaux et les Cancers. Et un clash de la drague d'ailleurs ce soir. Écoute-là cette mégère. Bien fait, bien fait. Eh bien oui, Cancer, Verseaux, 0. Vous serez un petit peu. Il est susceptible là. Vous serez un petit peu susceptible aujourd'hui. Ne laissez pas le jugement des autres vous contrarier et vous passerez une bien meilleure journée comme ça. Bonne journée amoureuse à vous tous et à vous toutes. Et dans un instant, notre loser du jour. Allez. Ouais. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light, Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Give me the green light. I got the green light, mommy, and you know what that means. That we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked. Feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. La semaine dernière dans le morning, que c'était un des 10 rappeurs qui avait gagné le plus d'argent en 2016, Pitbull. Je crois à peu près 20 millions d'euros. Pas mal, hein, Pitbull. Dalle, dalle. Le mec fait dalle, dalle, 20 millions d'euros, pas mal. Pitbull et Florida sur ce morceau. Et Kerrico, qu'est-ce qu'il est riche. Ah ouais, ouais, ça. Allez, 7h53, c'est l'heure de notre top lose, top win du jour. Aujourd'hui, c'est le loser du jour. Le loser du jour. Le loser du jour. Ah ouais. Ah ben lui, il aura pas dû passer à la télé. Il s'appelle Arnaud. Et Arnaud a des points communs avec toi, Romano. Ah ouais? Plusieurs. Il est radin. Ouais, non, il est pas radin. Il a plusieurs points communs. D'abord, il est chauve. Ah mais c'est quoi? C'est drôle. C'est du harcèlement du fait. Du harcèlement. Mais non, il est chauve. C'est pas sa faute. Ouais, ouais, bah, c'est pas sa faute. T'es chauve, t'es chauve, hein. Il est chauve. On parle de lui. Il est petit. Ah. Et en plus, il est bourguignon. Ah ben voilà. Chauve, petit, bourguignon. Ça aurait pu être toi. T'es pas passé à la télé chez Stéphane Plaza? Si, mais je préférais m'appeler Arnaud. Ah, c'est ça. Arnaud, c'est lui. À Paris, Arnaud a a 38 ans et vit en location dans son appartement depuis 14 ans. Aujourd'hui, il veut devenir propriétaire et rêve d'un studio exactement comme le sien. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Stéphane Plaza. Bon, le mec aurait dû éviter d'y aller parce que Stéphane Plaza s'est foutu de sa gueule pendant toute l'émission. C'est vrai. Non, recherche appartement ou maison. Oui, exactement. Il s'est foutu de sa gueule parce qu'il était tout petit. Il a fait plein de blagues sur le fait qu'il est tout petit. Romano, tu nous dis comment t'aurais réagi si Stéphane Plaza t'avait dit ça, par exemple? Ok, un peu plus petit que moi. Enchanté. Ça va? J'ai les pieds qui touchent par terre. Oui, c'est vrai, bah, c'est ce qu'il faut. C'est les fesses sur une chaise. Qui est un peu plus petit que moi. Hein. Juste après, il a fait des petites blagues avec des histoires d'escabeaux parce qu'il est tellement petit. Ah, donc on prend un appartement classique, ouais. Et on aura le petit escabeau. Bah ouais. Voilà, parce que tu es trop petit, hein, tu. Oh, vous avez vu comme il est petit, les téléspectateurs. C'est un art. Mais oui. C'est pas parce que t'es de petite taille que tu vas me donner un petit périmètre. Hein. Ah, bah oui. Hein. Mais que des blagues tout à l'heure. T'as le lourdeau, l'autre, là. Attends, mais c'est pas fini. Voici la blague de la Tour Eiffel. Ascenseur à partir du troisième étage. Eh ben oui, parce que sinon, ça te fait. Eh oui. C'est la Tour Eiffel. Ah, bah oui, ah bah, attends, moi. Ah, espèce de nain. Ah, c'est la Tour Eiffel pour toi. Hein. Bah oui. Tu peux peut-être encore grandir, t'es jeune, hein. Je vois plus trop. À 38 ans, bien sûr. Bah oui. D'ailleurs, Romano, tiens, je vais te prendre pour un con aussi. Oh, bah tu peux encore grandir, dis donc. Bah oui, c'est sûr, bah je mangeais de la soupe. Mais oui, et alors là, la baignoire, là, la meilleure blague, attention. Petit jacuzzi pour toi, spécialement, tu vois, regarde là, t'as ton petit jacuzzi. Voilà, petit jacuzzi et la baignoire, ça te fera une piscine, hein, d'accord. Bon, con, hein. Le problème, c'est à la fin, il s'est rebellé, Arnaud. Ah, parce qu'il en a eu ras le cul. C'est quoi, il lui a pété la gueule, là, Stéphane Plaza. Écoutez, il s'est rebellé. Donc, le loser du jour, je sais pas si c'est Arnaud, parce qu'il est allé se faire retraiter à la télé, ou alors si c'est Stéphane Plaza qui s'est fait mettre à l'amende. Écoutez bien. Salut Stéphane. T'as grandi toi, non? Tu fais aussi con toi. T'as grandi, c'est bien répondu. Hein. Si vous avez pas compris, il lui répond, t'es toujours aussi con toi. Hein. Ouais, non mais c'est bien, bien c'est joué. Pas mal, pas mal la punchline. Bravo Arnaud. Ouais. Bravo le bourguignon de 38 ans, tout petit comme Romano. Ah, en même temps, il a subi les blagues, ça a dû durer des journées, le mec il a dû se dire la dernière, je vais me le faire. Ouais, il y a l'autre lourdeau qui revient, il va faire une blague. Salut Stéphane. T'as grandi toi, non? Tu fais aussi con toi. Voilà, le loser du jour sur Skyrock tous les matins, 7h56. Dans un instant, on vous offre 1500 euros à gagner. À 7h20, à l'heure, il y a vos iPhones à choper aussi. Hein. Ouais. On va jouer à l'invité mystère. Super invité mystère. Ah ouais, super invité mystère. À découvrir tout à l'heure à 7h20, à 8h20, loupez pas le rendez-vous. Et puis dans un instant, les infos avec le point sur la météo, notamment pour ceux qui ont eu des orages ou ceux qui en auront aujourd'hui. C'est avec Rémi et vos 1500 euros aussi. Allez, 7h56. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Il rentre dans la surface, il tire, et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Canal Plus et Bein Sport avec dès ce soir à 20h45, Olympique Lyonnais Dynamo Zagreb en exclusivité sur Bein Sport et Tottenham Monaco en exclusivité sur Canal Plus. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus, Canal Sat 100% Sport et Bein Sport. Intermarché crée l'exploit avec la perceuse visseuse sans fil la moins chère de France. En ce moment, à 29,90€ chez Intermarché. Les quantités sont limitées, alors n'attendez pas. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 16 000 pièces disponibles. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Leclerc. Maman, viens voir! Quoi? Si je te dis je veux du volume style, la cils zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite. Oui, bah quoi? Maman, mascara volume flash de Rimmel. Regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction.

Et tout de suite, nos infos. Les infos. Les infos. Et la météo. Météo orageuse aujourd'hui, en tout cas pour certains. Ouais, c'est vrai. 7 départements en vigilance pour les orages. Le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Ardèche. Des orages possibles des côtes atlantiques aux Pyrénées. Et des averses attendues sur le golfe du Lion et le Massif central. En globalité, le temps aujourd'hui est un petit peu moins bien qu'hier. On va dire alternance de nuages et d'éclaircies, sauf dans le nord, des Hauts-de-Seine à l'Alsace. Là, c'est un temps magnifique pour cette journée. Les températures entre 15 et 22 ce matin. Il fera de 20 à 30 cet après-midi, avec même 31 prévus dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est moyen. Les indices vont de 4 à 5, 5 à Paris, Bordeaux, Orléans, Montpellier, Besançon et Metz. Et un grand bonjour et bon courage à ceux qui n'ont pas d'électricité ce matin. Ils sont 120 000 foyers à pas avoir d'électricité. Bon, ils sont en train de bosser là. EDF. Ouais, ils ont du boulot. Ça avance. Bon courage. Allez, les infos tout de suite et le sport aussi. C'était attendu depuis des mois et des mois. Ça y est, la démo de FIFA 2017. FIFA 17 est officiellement sortie hier. Les fans ont enfin pu découvrir et tester le jeu dans le monde entier. Et tout le monde est d'accord, hein, le nouvel opus s'annonce révolutionnaire. Les joueurs sont super bien faits, tout comme les stades. Et grosse nouveauté, on pourra contrôler les stars du terrain, sur la pelouse, mais aussi hors de la pelouse. Une fois le match terminé, eh bien, vous vous dirigerez en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Là, vous aurez trois choix de réponses possibles. La classe. De la plus arrogante à la plus modeste. Et puis forcément, ça influera sur votre cote de popularité, aussi bien auprès du public qu'auprès de votre manager. Et donc derrière, ça influera aussi sur votre carrière. Le mode solo est aussi complètement remanié. Vous incarnez un jeune joueur qui doit se faire sa place. Super ça. Et on vous l'offrira d'ailleurs. FIFA 17 a gagné vendredi matin, matinée spéciale PS4 Slim. Ouais, c'est fin septembre. Ouais, jeu. Et ben le jeu fin septembre et dès vendredi sur Skyrock dans le morning. Matinée morning spéciale pour vous. Les salariés d'EDF en grève aujourd'hui. Ils entendent protester contre la fermeture de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin. Les syndicats parlent d'une aberration industrielle et économique. EDF et le gouvernement se sont entendus sur une indemnisation de 400 millions d'euros. La centrale devrait fermer en 2018, comme l'avait promis François Hollande durant sa campagne présidentielle. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. L'homme suspecté d'avoir tué sa mère au Havre, mis en examen pour meurtre. Les psychiatres estiment qu'il est responsable de ses actes malgré ses antécédents psychiatriques. L'individu a étranglé sa mère avec un lacet car elle l'empêchait de se rendre en Syrie pour y faire le djihad. Il a été placé hier soir en détention provisoire. Le gérant d'un bar entre la vie et la mort ce matin, il a reçu une balle en pleine tête hier soir sur son lieu de travail à Corbeil-Essonne, en région parisienne. Le drame s'est déroulé sous les yeux de sa femme. Plusieurs témoins ont été entendus cette nuit et un suspect a été interpellé. Bon, nouvelle du PSG maintenant avec le match PSG-Arsenal avant Monaco et Lyon ce soir. Ouais, le PSG et Arsenal qui se sont neutralisés au Parc des Princes à l'occasion de la première journée de la Champions League. Cavani a marqué au bout de la 43e seconde, mais alors derrière, il a presque tout raté. Prochain match dans deux semaines, le 28. Carré, lui. Ouais, voilà, ouais, contre Ludo Goretz. Barça 7-0 contre le Celtic Glasgow, triplé de Messi. Victoire également pour l'Atlético Madrid et le Bayern. Et puis ce soir, à suivre Monaco qui se déplace à Tottenham et Lyon qui accueille le Dynamo Zagreb. On suivra tout ça dès 21h dans la Radio Libre. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure. Tu nous parleras de Platini dans une demi-heure. Exact. Michel Platini. Platoche dans le morning sur Skyrock. Il est 8h07. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le morning de Default sur Skyrock. Bon, en tout cas, la journée démarre bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre tous les matins sur Skyrock. On salue Cyril, nouvel auditeur de Skyrock dans le 13. Oh, tu nous avais pas écouté avant, Cyril. Ah, Cyril. Dans le 13. En plus, Skyrock cartonne dans le 13. On te salue, Cyril. Bienvenue à toi. Ah, bienvenue. Bienvenue, Marseille. Allez, on vous donne les numéros pour nous joindre le matin. 41 759. C'est pour envoyer des messages, réagir à l'émission, en dire tout ce que vous voulez et gagner votre iPhone 7. Vous avez l'appli Skyrock aussi. Téléchargez-la. Vous pouvez nous envoyer des messages et même des photos d'ailleurs. C'est gratuit, c'est pas cher. Merci pour les photos que vous nous envoyez tous les matins au réveil. J'adore ça. Et puis le 7-20-20, ça par contre c'est pour vous inscrire pour les 1500 euros. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, eh bien c'est simple, vous envoyez 1500 au 7-20-20 et vous gagnerez peut-être 1500 euros. D'ailleurs, dans les deux gagnants de ce matin, il y en a une qui s'est inscrite, c'est la belle Kelly qu'on a eu à Évry dans son lit avec son chéri. Oui, tout ému. Oui, et qui a gagné 1500 euros ce matin. Bon, les 1500 euros, tu veux ouvrir l'enveloppe, Romano? Je vois que tu la regardes et que tu la dévores des yeux. Avec plaisir. Voilà, sire Romano. Merci mon brave. Voici donc les 1500 euros en direct. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Ouais, localisation, on va où? Alors attention. Déjà, j'ouvre l'enveloppe. Oui. C'est localisé dans le 11. Le 11, c'est du côté de Carcassonne, ça c'est l'Aude. Et nous allons à Castelnaudary. Ah, le pays du cassoulet. Ouais, c'est la ville du cassoulet, ouais. Et chez Clara Pévert. Pivert? Non, Pervert. Pévert. Pervert? Non, Pévert. Pévert. Nous allons donc dans la ville du cassoulet. Et là-bas, le P est vert. Ah, quelle bonne blague, Romano, hein. Nous, tu nous donnes une ville où il y a du cassoulet. C'est ah, bon, on se régale. On est parti pour une demi-heure, là. Hein. Non, mais c'est vrai que ça fait péter. Hein. C'est très bon, mais. Ah, le cassoulet. Allô? Bonjour. Bonjour. Madame Clara Pévert? Oui. Oui, c'est la radio au téléphone. Oui. On est bien à Castelnaudary. Oui. C'est la ville du cassoulet. Oui, c'est ça. Vous êtes bon, bête. On est bête, hein. Ah oui. Ah, qu'on est bête. On vous appelle pour une bonne nouvelle. On va peut-être vous faire gagner 1500 euros, ma bonne dame. Non, mais c'est vrai ou c'est une arnaque? Ah non, non, c'est non. Pas une arnaque. Ah. T'as vu, Romano, quand tu parles, tout le monde pense que c'est une arnaque. Non, il y a 1500 euros en jeu. Attention, je pose la question officiellement. Attention. Clara, quelle est ta radio préférée? Si t'as la bonne, 1500 euros cash. Quelle est ma radio préférée? Oui. La pression monte. Faut pas te tromper, Clara. Dans la ville du Cassoulet. Dans la ville du Cassoulet. Oui, c'est Castelnaudary. Oui. Ah bah voilà, c'est la ville du Cassoulet. Alors Clara, quelle est ta radio préférée? Pour 1500 euros. Trompe-toi pas, Clara. Ouais, trompe-toi pas. Il n'y a pas droit à un coup de main. Non, pas de coup de main. Ah, parce que j'écoute pas la radio. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça, dis donc? J'ai pas le temps. Mais, toi, mais la radio, ça s'écoute même à quand on a pas le temps. À part l'émission de Koé, après j'écoute pas. Eh ben, c'était pas la bonne alors. Ah, désolé. Mais, c'est pas énergie. Non, c'est pas ça. Bon. Désolé, Clara, c'était Skyrock. Ah, d'accord. Eh ben oui. Faut se brancher sur Skyrock, Clara. Ah oui. Ben oui. Mais c'est mon fils qui est branché sur Skyrock. Ah ben, ne lui dis pas parce qu'il va t'engueuler. Hein. Ah bah oui. Ah oui, non, mais là oui. Ben oui. Ben tu fais une bise à ton fiston et viens nous rejoindre toi aussi. Tu as le droit de venir, malgré tout, Clara. D'accord. On t'en veut pas, on te fait un bisou. Ben la prochaine fois, je sortirai le bon. Eh ben j'espère. Ben la prochaine fois qu'on te rappelle, tu réponds. Voilà. Non, Skyrock. Non. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, ça marchera pas. On te fait une bise, Clara. Au revoir, bonne journée. Et bonne journée à toi. Salut Clara. Et oui, c'est Skyrock. Skyrock, à 8h30, on recommence. 1500 euros à gagner. Vous répondez Skyrock, c'est dans la poche. Et la radio de Black M, c'est aussi Skyrock. Oui. Ça tombe bien parce que Black M arrive. Ouais, avec les familles. C'est l'heure du réveil de Star. Juste après, qu'est-ce qu'on a dit qu'on passait? Sucker for Pain. Ah oui, Lil Wayne et Wiz Khalifa sur Skyrock. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. I talk to you. Take my hand through the flame. I talk to I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. And pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I talk to you. Take my hand through the flame. I talk to you. I'm a slave to your game. I'm just sucking for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. Devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. I'm Suck Off of Pain sur Skyrock. J'adore ce morceau. Wiz Khalifa et Lil Wayne. Grand morceau. Et dans un instant, ah ouais, gros morceau aussi, c'est The Weeknd qu'on va écouter avec Can't Feel My Face. Ouais. Et tout de suite, le réveil de star, il est là, il arrive, c'est Black M. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Ouais, Black M avec nous pour le réveil de star, le Big Black M. C'est Black M. Oui, Black M, c'est lui. Comment tu vas? Ça va bien, Black M, tranquille, tranquille. Black M que vous écoutez sur Skyrock, évidemment. Évidemment. Que vous découvrez sur Sky. D'ailleurs, on va faire un petit quiz avec toi, Romano. Et avec le reste de l'équipe aussi. Ah ouais. Attention. Ah genre quiz Black M. Ouais, quiz Black M. Écoutez bien, écoutez bien. Qu'est-ce que c'est ce morceau de Black M? Oui, ton entrée a mis comme un froid dans le coin alors que j'étais posé avec tous mes gars. Je ne dirai rien. Bonne réponse de Romano. Je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, il faut que t'aies la plus. Oh, je ne dirai rien. Bonne réponse de Romano, elle est un autre, j'aime bien celle-ci aussi. Mon refrain, je suis désolé. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, je pense à tout ce que tu m'as. On se fait du mal. Bonne réponse de Romano. On se fait du mal. Ah, vas-y, fais-moi. Oui, tiens, prends ça. Ah oui, je suis mal. Allez, un autre carton de Black M. Celui-ci, il est facile, c'est pour tout le monde, ça. Écoutez. Ne me parle pas de sur ma route. Ouais, sur ma route. Ne me parle pas de nostalgie. Bah non, on est sur Skyrock. Bah oui. Oh. Sur Skyrock. Hey, attends. Sur ma route. Et sur Skyrock, évidemment. Sur ma route. Sur ma route Black M, bah Romano, pas mal, Carriole, ouais. Pas mal aussi, pas mal. Hein. Ouais. On Black M dans le réveil de star. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti, on y va. Alors, qui va réveiller Black M ce matin? Tout à l'heure, ça s'est pas super bien passé avec Christian. Hein. Non, pas des masses. Non, pas des masses. Ouais, pas des masses. Je sais pas, il y avait le contact qui passait pas. Christian s'est un peu énervé. Christian était un petit peu énervé, pourtant, quand t'as une star qui t'appelle. Bon, on s'est dit, on va essayer avec quelqu'un d'autre. C'est Christophe ce coup-ci. Allez. Christophe. Et le réveil de star, imaginez une star vous réveille le matin. Ce matin, c'est Black M sur Skyrock. Christophe. Oui, Christian. Et Black M. Allô? Allô? Oui. Christophe. Comment tu vas? Oui, mais je voulais savoir votre nom, moi. C'est Black M. Black M? Mon Snapchat, c'est Blacky-Snap. Ouais, bon, c'est des conneries. Je vous remercie quand même. Allô? Ouais. Ça va? Ça va et toi? Bien. Comment tu t'appelles? Black M. Ouais, et puis mon cul, c'est comment? Un 2 ici, le Big Black M en personne, l'éternel insatisfait. Ouais, ben, je m'en fous du Big Black M. T'es déjà venu nous voir en concert, me voir en concert? Bah non, pourquoi j'ai en concert? Ah, c'est de la tuerie. Ouais, ben, moi, j'en ai rien à foutre. Ça fait énormément plaisir. Ouais, je m'en fous, bah, on a pas l'air de vos conneries. C'est Black M, tu te rappelles de moi? Bah oui, c'est qui c'est, Black M, je l'entends à la télé. Mon son, il passe à la radio. Bah oui, bah je le sais, je l'entends. Où ça? Ah bah je le vois, le télé à la 17. T'as écouté le dernier extrait, ça t'a plu? Ah oui. Vous allez faire la fête pendant toute une année entière. Ouais, bon allez, j'ai pas le temps de... Pourquoi? Bah t'emmerdes le monde depuis tout à l'heure. C'est fait exprès et tant mieux. Et voilà. Ah bon allez, c'est tout, on a pas le temps, j'ai pas le temps. Tu perds le contrôle quelque part. Oui, il a perdu le contrôle. Oui, il avait parfois perdu le contrôle de la langue française et de la. Ah, j'ai vu hein, sur la 17. Hein. C'est ça. Voilà. J'ai vu à télé à 17. Ah, j'ai vu à télé à 17. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est quand même on comprend. Hein, ouais, c'est bien. Ouais. Bon, merci à Christophe, il s'appelait. C'est ça. Ouais. Christophe, il connaît hein, Black M. Christophe, et t'as vu? Ah, grave. A vu sur la 17, entend à la radio. A vu hein. A vu sur la 17, entend à la radio. Bravo. Ah, va écouter maintenant. Qu'on va écouter? Un week-end. Un week-end. C'est parti, c'est Can't Feel My Face sur Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it.

Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoux d'intérieur vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Gâteau! Gâteau chocolat, citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. 8h27 sur Skyrock, c'est l'heure de retrouver notre invité mystère. Attention, violence. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Violence et rire, car il est très drôle. Oui, bonjour monsieur. Bonjour l'invité mystère. Oh là, mais on va s'en payer une bonne tranche. Ah bah, je pense qu'on va rigoler. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, mais depuis tout à l'heure, on t'entend très bien. Fabien, tu l'entends bien l'invité mystère toi aussi? Oh oui, je l'ai bien entendu, oui. Ah, c'est bien. Fabien, 30 ans, Lillois, tu fais quoi dans la vie, Fab? Je suis commercial, dans les fenêtres. Ah, dans les fenêtres. Ouais. T'as entendu le mec il y a une heure, l'histoire qu'on racontait, le mec qui était tellement bourré qu'il s'est trompé, en fait il voulait sortir par la porte, il est sorti par la fenêtre. Ouais, le problème c'est qu'il était au premier étage. Et ben il est tombé. Oui. Il s'est cassé une jambe. Ouais, ce sera peut-être un de tes clients. Il était de Nice, hein. Toi t'es de Lille. Ah oui, non, ça va pas aller là. Non, c'est un peu loin, ouais. Bon Fabien, tu as reconnu notre invité mystère ce matin qui nous annonce d'ailleurs qu'on va vous faire écouter un truc assez violent ce matin. Et oui, il faut vous le dire, on vous dit la vérité sur Skyrock. Je vais copieusement dans quelques instants me faire insulter. En effet. Bah on attend ça avec impatience. Oh, bah, oui, tous. Bon, c'est qui? C'est Julien Courbet. Ah, vous avez tous trouvé plein de messages. Toi, t'étais le plus rapide, hein. Désolé pour les autres, ce sera pour le prochain coup, vous inquiétez pas. Je vois Cilia qui envoie un message, Alec du 5-9, tiens, tes voisins, Brian, Laura, Loulou, Corsou, tous les autres. Il vous a grillé un bravo Fabien. C'est toi qui gagne. L'iPhone 7. Bravo, bravo. Un iPhone merci, 7 merci pour à toi. Merci toute l'équipe, merci Diffoul, merci toute l'équipe, c'est gentil. Tu vas t'éclater comme un fou avec le téléphone qui déchire, qui est bien cher, mais heureusement, son Skyrock, il est gratuit. Ah ouais, c'est pratique, c'est ça. Super gentil. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas l'acheter et de le gagner sur Sky, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Et j'ai un premier qui fait des pubs pour les fenêtres. Il fait... Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il fait Arrête les fenêtres. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu l'as reconnu, dis donc. Tout à fait. Tu travailles chez Arrêt Fenêtre ou chez des concurrents? Non, c'est des concurrents. Je suis chez des concurrents. Triba? Non. Il en connaît que deux. Gros Filet? Mais tu connais toutes les fenêtres, mais. Moi, j'ai jamais entendu parler de gros billets et de finales. Gros billets. Attends, Triba, attends, il y a là. Si, Fila, c'est des non, c'est pas des franchisés, on est un petit groupe, donc c'est pas. Cas par cas. Non, mais. Non plus. Windows. Bon, non iPhone. Hein, iPhone, ça tu prends, hein, par contre. Ah oui, ça je prends, oui. Bon, on va faire un petit tour chez nos collègues de RTL. RETL. Alors, ça a dû être une catastrophe à RTL parce qu'ils sont pas habitués à ce genre de choses, hein. C'est une radio sérieuse, tout ça. Et Julien Courbet a eu un petit souci avec un auditeur sur RTL. Il appelait des gens pour résoudre un problème. Écoutez ce qui s'est passé. Monsieur, c'est Julien Courbet, l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Non mais je m'en bats les couilles que vous êtes en direct. Vous pouvez me faire passer à la télé, vous pouvez me faire passer où vous voulez. Non mais je m'emmerde tout le monde et vous mangez bien vos morts. Voilà. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. C'est sympa comme tout. C'est un garagiste, le monsieur. Et c'est pas fini. Mais vous voulez pas qu'on parle, qu'on essaie d'aider le client? Non, qu'il nous fasse passer où à RTL ou qu'il nous fasse passer où il veut ou dans le camp de son mère s'il veut. Ça on bougera pas plus que ça et qu'il va bien se faire enculer surtout. Ah bah voilà. Voilà. En tout cas, c'est bien. Tu vas chez lui, t'es bien accueilli. Le client est roi. Oui, le client est roi et ça s'entend. Toi, tu vas passer dans un coffre de voiture. Tu vas voir, ça va te faire tout non, droit. Mais les gars. Non, Alan. Ah là, je te mords. Vous allez vous calmer les deux. Alan, vous n'allez pas arriver à dire ça. Donc. Alors, le premier que vous entendez, c'est celui qui a un problème avec le garagiste. Et le garagiste, c'est le deuxième. Ouais. Ils sont bien tous les deux. Hein, ah, ils sont dans un coffre de bagnole, ouais. Alan, donc c'est le client, et le garagiste, c'est celui qui gueule. Bon, et alors, donc du coup, j'ai pas compris. Vous allez chercher la voiture la semaine prochaine? On vous emmerde, ça te paysan de vos morts. On vous encule. Ah, imaginez ça sur RTL. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec des morts. Mais bien sûr, là, Julien Courbet ne sait plus quoi dire. C'est la panique. Chacun peut faire ce qu'il veut avec des morts. Ah bah évidemment. Ah, de la décoration, je sais pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur certaines pratiques. Vous voyez, je suis encore en âge où je peux découvrir. Voilà, il sait pas. Voilà, c'est la panique à bord. Panique totale. Ah, c'était bon ça. Eh ben, vous voyez, hein, Skyrock, c'est bien. Bon, RTL, c'était pas mal. Ouais, ce pas mal, bien joué. Voilà, pour écouter RTL, vous branchez sur Skyrock, on a tout, nous. Hein. Oui, oui. Bon, bah, en tout cas, bravo. Bravo Fabien, l'iPhone 7, on te l'envoie à la maison. Salut à toi et bravo à Julien Courbet. Et surtout à Alan et à son garagiste. Moi, le moment que je préfère, c'est quand Alan parle au garagiste. Mmh. Mais vous voulez pas qu'on parle, qu'on essaie d'aider le client ? Non, qu'il nous fasse passer ou à RTL, ou qu'il nous fasse passer où il veut, ou dans le camp de son mère s'il veut, ça en bougera pas plus que ça. Et qu'il va bien se faire enculer surtout. Mais oui. Toi, tu vas passer dans un coffre de voiture, tu vas voir, ça va te faire tout droit. Non, mais non, Alan. Vous allez vous calmer les deux. Alan, vous allez pas arriver à dire ça. Donc... Bon allez, 8h32 sur Skyrock. J'espère que tu seras bien reçu pour tes conseils pas chers, Romano. Bah j'espère, on va voir, on pourrait l'appeler le garagiste. Oui. Si nous écoutes, laisse-moi ton numéro, on aimerait discuter avec toi, tiens. Bah éventuellement. Ah, on se tape une belle petite converse, ça peut être sympa. Allez, les infos, c'est parti avec toi Rémi. Juste après on retrouve DJ Snake avec Justin Bieber. Et on commence par la météo pour aujourd'hui, mercredi. Ouais, et bah un temps plus agité aujourd'hui, excepté des Hauts-de-France à l'Alsace. Alternance de nuages et d'éclaircies de manière générale. On a encore 7 départements en vigilance orage, donc faites attention. Si vous êtes dans le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Ardèche, des orages possibles des côtes atlantiques aux Pyrénées et des averses attendues sur le golfe du Lion et le massif central. 120 000 foyers sont toujours privés de courant ce matin, du Béarn au Pays Basque jusqu'au Charente. Les températures ce matin comprises entre 15 et 22 degrés, il fera de 20 à 30 cet après-midi avec même 31 prévus dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est moyen. Les indices vont de 4 à 5, 5 à Paris, Bordeaux, Orléans, Montpellier, Besançon et Metz. Et Romano, t'es prêt à tout, il est prêt à tout pour gagner de l'argent. Dans un instant, c'est Sauvons McDonald's. Oui, attention, McDonald's déclenche des crises dans des villages. Oui, et on va y aller, nous. Ouais, ouais, ah bah alors on va y aller, ouais. Mais avant ça, les infos et le sport avec toi, Rémi. Et plein de nouveautés dans les iPhones ce matin. Le nouveau iOS 10 est dispo depuis quelques heures, là. iOS, man. iOS, ouais. Mais t'es américain ou pas? Parce que je croyais que t'étais américain du Bronx. Non, mais comme vous me venez, tu vois, je le fais à la française. De Brooklyn, pardon, excuse-moi. Mais oui, Brooklyn, ouais. Non, mais même en français, ça se dit pas iOS. Il y a iOS. C'est iOS. Bah, je sais. Bah, dis-le alors. Bah, oui. Non, je dis iOS, moi j'aime bien. iOS. Je fais la grève, si vous gazez. Oui, oh bah très bien. Bon, c'est fini pour les infos. Ah bah c'est 1500 euros à gagner. Parce que moi j'avais besoin de temps pour mes conseils pas chers. Bon, dis-nous pour l'iPhone, c'est intéressant. Ouais, Apple a repensé pas mal de trucs comme l'interface des SMS. Il est désormais possible d'envoyer des gifs. T'as vu, je l'ai dit, des gifs. Voilà, d'écrire à la main en direct, d'envoyer des liens web ou encore des vidéos YouTube. Quand vous recevez un texto, vous pouvez configurer pour voir apparaître un petit ballon, des confettis ou une étoile filante. Enfin bref, ça c'est du gadget. Nouveau look également pour toutes les notifications avec des widgets disponibles quand le téléphone est verrouillé. Terminé également de glisser l'écran là pour déverrouiller puisque tout se fait avec le bouton Home. Une notification pourra aussi être plus détaillée avec votre empreinte digitale toujours en mode verrouillé. Et puis l'appli photo aussi est améliorée, l'appli musique qui fait son apparition exactement, mais encore en mieux, en moins compliqué qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc voilà, téléchargez l'application. Mais surtout si vous avez un iPhone, n'oubliez pas avant de faire une sauvegarde hein, parce que parfois tout peut sauter. Voilà, puis gagnez-le sur Skyrock, c'est moins cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai que cette saloperie coûte les yeux de la tête quand même. Hein. Et puis en plus, le iPhone 7 est déjà équipé de ça. Exactement. Le bras de fer qui a véritablement commencé entre le gouvernement et Alstom, le constructeur de trains accepte de négocier mais ne change pas de stratégie pour l'instant. Le gouvernement, les syndicats et la direction ne se laissent 10 jours pour trouver une issue. François Hollande a encore martelé hier que tout sera fait. La colère des infirmières, journée de mobilisation pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Les grévistes porteront un brassard noir dans les hôpitaux en mémoire de 5 infirmiers qui se sont suicidés cet été et des débrayages d'une roue de son possible. Hillary Clinton sur le chemin des meetings. Dès demain, la candidate démocrate va reprendre sa campagne après avoir été soignée pour sa pneumonie. D'ici là, c'est Barack Obama qui assure le service après-vente. Le premier grand débat télé entre Clinton et Trump est prévu dans 13 jours. Et le point sur le sport maintenant. On reparle du PSG, la Ligue des Champions, et on parle de Platini aussi qui s'en va. Ouais, le PSG. Oui, le PSG et Arsenal qui se sont neutralisés hier au Parc des Princes. Score final, un but partout. Cavani a marqué au bout de 43 secondes, mais après, bah, le calme plat. Prochain match dans deux semaines, le 28 48 contre Ludo Goretz. À suivre ce soir, Monaco qui se déplace à Tottenham et Lyon qui accueille le Dynamo Zagreb. Soirée chargée dans la Radio Libre. Rendez-vous à 21h. Ouais. La page Platini définitivement tournée aujourd'hui. L'UEFA va élire son nouveau président à Athènes en Grèce. L'ex numéro 10 des Bleus a reçu l'autorisation de s'y rendre. Il sera remplacé par le Slovène Alexander Seffrin ou par le Néerlandais Michael Van Praag. Et puis les Jeux Paralympiques avec une nouvelle médaille en or française. C'est Fabien Lamiro qui l'a emporté hier en tennis de table. Belle performance pour le pongiste qui est déjà champion d'Europe et champion du monde. La France a désormais 14 médailles, dont 4 en or, et pointe à la 16e place du classement. Bon, allez les Bleus, et merci Rémi pour les infos. Il est 8h36 sur Sky. En direct de l'appart. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. The morning show. Le morning qui nous réveille, nous aussi d'ailleurs, hein, tous les matins, dès 6h avec vous. Bon, on a fait plein de choses bien aujourd'hui. On a offert 1500 euros, c'est bien marré. Déjà, et c'est pas fini en plus. Hein. D'ici 8h du matin. 9h. Ah, excuse-moi, j'étais à l'heure de New York. Ah, t'es en jet lag. C'est ça. Donc d'ici 9h du matin, t'as raison. On retrouve l'horoscope de l'amour, traditionnel. On retrouve également, et c'est nouveau, la compile du jour. Aujourd'hui, c'est une compile embrouille de voisinage. Ah, très bien. Ouais, parce que hier soir, dans la Radio Libre, on parlait de voisins qui puaient. Ouais. On a un auditeur qui s'appelait Freelance et qui avait un petit souci et qui nous avait écrit parce qu'il avait des voisins, ça puait la poubelle sur le palier dès qu'il sortait de chez lui. Donc imaginez le matin, vous venez de vous réveiller, vous êtes un peu frais, vous avez pris votre douche, tout ça, un peu la tête dans le cul, vous sortez de chez vous, ça pue les poubelles. On parle donc embrouille de voisinage pour la compile du jour qu'on trouvera juste avant 9h du matin. Les conseils pas chers, on va parler McDo. Ouais. McDo qui déclenche les passions. Et oui, un village est en révolte à cause de McDonald's, vous en saurez plus. C'est le drame. Le drame. On va filer dans le Vaucluse, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans le Vaucluse, ouais. On s'en occupe. Et puis, tiens, une petite question que je voulais vous poser, parce que moi, j'aime bien McDo. Il y a plein de gens qui disent, ouais, McDo, malbouffe, tout ça. J'aime bien McDo. Moi aussi, de temps en temps. Ouais, de temps en temps, un petit McDo, ça fait pas de mal. Ouais. C'est quoi votre hamburger préféré? Moi, j'en ai un, là, depuis 3 mois, je ne mange que ça. C'est quoi? Je suis prêt à en prendre 2, d'ailleurs. Ouais, mais je sais ce que c'est. Mais j'en ai pris un samedi, j'ai été un peu déçu, tu vois. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'en avais déjà mangé, je l'avais trouvé meilleur. Peut-être que j'étais dans un McDo, il était mal fait. De toute façon, quand le truc, il est en attente pendant un quart d'heure, faut pas le prendre. Moi, je regarde ce qu'il y a dans le, ce qu'il y a derrière le mec qui me vend. S'il y a un truc qu'il y a pas, je le prends tout de suite. Comme ça, je sais qu'il me le prépare et qu'il est frais. Moi, je reste sur le classique, le Big Mac. Moi, c'est le double fish que j'aime bien. Ah ouais? Le double fish. Du poisson. Bah oui, du poisson. Oui, oui, bah, oui, c'est comme ça, fish, poisson. Poisson. C'est un truc de dingue. Le double fish. Et gros, bouffe Rémi, qu'est-ce que t'aimes bien au McDo? McChicken. Le McChicken t'aimes bien? Ouais. Ah, parce que t'es un américain, c'est ça, ouais. Yeah. Yeah, McChicken, yeah. Non, McChicken, ouais. Moi, je mange que du poulet, moi. Voilà, c'est ça. Nigga. Nigga. C'est un américain. Bah, arrête peut-être d'en bouffer vu ton gabarit. Oh, ugly bitches. Oh, tiens, il y a Chris Brown qui t'a passé un petit message. Donc, dites-nous quel est votre. Tiens, on va faire un petit sondage. Sondage express. Votre hamburger préféré. On a le menu entier. Il y a le Big Tasty, le Big Mac, le Deluxe. T'es à Soukal McChicken. Ah oui, c'est vrai, vous nous faites tout. Moi, allez, c'est le classique, moi. Le CBO pour le hipster du 13. Le cheese, non, le classique, ouais. C'est le Big Mac. Moi, j'aime bien le cheeseburger. Bah, t'as le droit. Envoie un message. Envoie triple cheese. Bon, ça va, tu te crunes pas, quoi, 2 euros, quoi. Ouais, mais je préfère les nuggets, mais comme on parle d'hamburger, sinon, moi, c'est les nuggets. Tu as le droit, Cariole, avec toi, on est prêt. Mais Cariole, elle prend les mignons enfants, elle. Ouais, parce qu'elle jouait avec. Ouais. Bon, ouais. Nous, on vous offre 1500 euros tout de suite avant de faire les conseils pas chers McDo. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show! Et où va-t-on aller pour les 1500 euros? Je vous dis ça tout de suite. Hop là. L'enveloppe est ouverte. Oh, mais quel magnifique département. On va où? Vers Saint-Etienne? Pourquoi tu dis dans ça? Dans le 42? L'air tout dégoûté. Oui, on va dans la Loire. Ah. Le 42, vous nous écoutez? Bah, à Saint-Etienne. On va même à Saint-Etienne même. Eh bien, vous avez bien raison. Et on va peut-être vous appeler maintenant. On appelle la famille D'Angelo. Mario D'Angelo. 1500 euros à gagner. C'est déjà tombé 2 fois ce matin à Évry chez Kelly et Lindy, son chéri, et à Tonins chez Ahmed. Et c'est Ikram qui a répondu Skyrock. Ouais. Et on attend Saint-Etienne. Et Saint-Etienne demandait au téléphone ce matin. Marco D'Angelo. Mario. Ah, Mario, comme pardon. Super. Oui, Mario. Ross. Voilà, ça aussi, Ross. Bon, Saint-Etienne. Bah, pour l'instant, ça sonne. Ça ne représente pas bien ce matin. Bah, ça répond pas. Parce que à Saint-Etienne, on travaille, nous. Ouais, et eux, on n'a pas le temps. À la mine. À la mine. Mais oui, à la mine. Ah, bah, c'est bon, clair. Il n'y a personne chez Mario D'Angelo. Non. Désolé pour Mario, il ne gagnera pas les 1500 euros. Tiens, écoutez, c'est tombé ce matin. Allez, au hasard, on va où? On va à Évry ou à Tonnens? Allez, on va à Évry. Allez. Allez, à Évry. Ah, écoutez bien, elle se réveillait avec nous ce matin. C'est mignon, c'est Kelly. Kelly, on est en direct à la radio ce matin. Oui. Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros, Kelly. C'est pas vrai. Quelle est ta radio préférée, Kelly? Mais oui, Kelly. Bravo. Bravo. Ouais. Bravo, Kelly. Non, elle a pas fait de malaise. Tout va bien, Kelly. Elle s'est remise. Hein. Elle avait son chéri juste à côté, ouais, qui l'a soutenue. C'était beau, ça. Tout à l'heure. Ah oui, l'amour. Ah, l'amour. Et DJ Snake et Justin Bieber. We were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock. Des Big Mac, des Royal Cheese, des wrap poulet. Hello, elle nous envoie un message. J'adore le wrap poulet. Juste au-dessous, t'as Babtou du 42. Tiens, bonjour la Loire, bonjour le 42. On a appelé pour les 1 500 €, malheureusement, ça n'a pas répondu. Non. 23 ans, le Babtou du 42. Le petit wrap, c'est le top. C'est vrai, c'est pas mauvais. Le meilleur, c'est le 280. Ouais, c'est balèze, hein. C'est Jay. Toi, t'aimes les gros trucs, Jay. Jay, 31 ans dans le 95. Salut à toi, Jay. Et un petit conseil, d'ailleurs, si vous voulez des sandwichs tout chauds, il y a Amélie du 29 qui nous laisse le message. Bisous, ma chérie. Qui nous dit, pour avoir un sandwich tout chaud, enlevez par exemple les cornichons du sandwich, comme ça, et vous en ferez un, et il sera tout chaud. C'est vrai? Pas bête. Tu demandes une petite, moi, j'aimerais un fish, mais alors sans poisson, s'il vous plaît. Ouais, c'est pratique. Juste du pain. Hein, je voudrais un fish sans poisson. Comme non, ça, mais tu sinon, d'avoir le pain bien frais. Ou sinon, tu demandes des trucs qui sont le moins demandés, parce que ça, ils en fabriquent pas beaucoup. Genre le Big Mac, ils en ont toujours en stock, mais il y a des sandwichs qu'on m'a demandé, ils les ont pas en stock. Bah, mon double fiche, par exemple, à chaque fois, ils me le préparent. Eh ben voilà, c'est ça, tu dois être un peu VIP là-bas. À chaque fois. Non, mais ils me connaissent maintenant, ils savent. Oh, je vous mets votre double fiche. Ah putain, il y a le relou qui arrive avec ses double fiches. J'adore le double fiche. Bon, alors attention, McDo ne fait pas que des heureux. Ah bon? Eh non. Pourquoi? Bon, tiens, petit chiffre en passant. La France, c'est le deuxième pays consommateur de Big Mac après les États-Unis. Ah ouais, on est deuxième. Deuxième. C'est bien. Bon, alors. C'est bien. C'est bien pour une fois qu'on est deuxième quelque part, ça va. Alors par contre, dans une petite commune du Vaucluse, c'est un scandale qui est en train d'être vécu par tous les habitants. Le petit village est en émoi. Comment s'appelle ce petit village ? Saint-Romain-en-Viennois, un village de 900 habitants situé près de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Ah, ça je connais. Et il y a McDo qui veut s'implanter là-bas. Jay devrait être content parce que moi, 900 habitants, il ne doit pas y avoir non plus des masses de commerces qui s'installent là-bas. C'est vrai. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, les habitants sont contre l'installation. Ah, il y a des habitants qui veulent pas le McDonald's. Ah, bah ils ont fait une pétition, il y a 6000 personnes quand même qui l'ont signé. Mais il y a 900 habitants, il y a 6000 personnes qui ont signé. Oui, bah je sais pas, il doit y avoir les bleds autour. Bon, alors, il y a des plaintes. Il y a quand même un homme qui témoigne, Jean-Luc Thomas. Ah, Jean-Luc, qu'est-ce qu'il a, Jean-Luc ? Ils font frire la nourriture, ce qui provoque l'apparition d'odeurs et de particules qui seront répandues par le mistral sur le vignoble. Bon, ils ont été. Oui. Bon, il y a déjà des engrais, des anti. Ouais, des pesticides, des pesticides. Je suis sûr que bon, l'odeur de friture bousille les vignes, mais bon. Mais bon. Et donc, ils ont été. Les habitants ont été voir le maire. Le maire a dit, moi, je peux rien faire. Et il y a une manifestation qui est quand même prévue le 24 septembre. Contre le McDo ? Ouais, contre l'installation du McDonald's. Eh bien, ce matin, je travaille pour McDo. Ouais. Et pour se faire apprécier de la population, je vais leur livrer des hamburgers en tout genre de chez McDo aux habitants et bien sûr leur faire payer. Ah, je croyais que tu voulais faire un truc gratuit. C'est les conseils pas chers. Ah oui, c'est les conseils pas chers. C'est pas les conseils gratuits. Hein. Bah non, c'est pas cher. Allez, bon, on y va, c'est parti. Tiens, votre classement de vos trucs préférés en 1, Big Mac. Putain, traditionnel, le Big Mac est toujours là. Ouais. En 2, le McChicken. Ouais. Le McChicken. Et en 3, le filet au fish. Ah, bah tu vois. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Équipier Lapin, à l'appareil, je travaille chez McDonald's. Oui. Vous avez entendu parler de, un petit peu de la polémique qu'il y a dans, au sein du village. Oui. Et ce matin, pour arranger les choses, je vais vous livrer des hamburgers. Oh. Bah, vous aimez bien ça ? Oui. Ah bah voilà. Vous souhaitez quoi comme hamburger de chez McDo ? N'importe. Un petit Big Mac. Un petit voilà. Big Mac. Le classique. Oui. Bah, je vous l'amène pour midi, ça fera 20 euros. Oh, c'est ça, oui. Ah bah, je vous offre les frites pour 20 euros. Et moi, je suis Ronald McDonald. Et oui, il est là. Bonjour. Bonjour, je suis Ronald McDonald et je viens te livrer le hamburger à 20 euros. Allô ? Ah, c'est barré. Oh, elle est partie. Bah alors, pourquoi ? En plus, elle voulait son Big Mac. Bah, elle le voulait. C'est peut-être 20 euros, non ? Ouais, mais bon, c'est livraison à domicile. Hein. C'est cher, quand même. À la livraison à domicile, oui, c'est cher. Ouais, t'as remarqué. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas donné. Ouais. Avec Romano, c'est toujours cher. Un deuxième. Alors. Chez Alain. Chez Alain, qui habite toujours à Saint-Romain-en-Ville. Toujours. On n'a pas le mec qui gueule, là, Jean-Luc, là ? Non. Ah, dommage. Dommage, parce que lui, j'aurais bien aimé l'avoir au téléphone. Avec le mec, ils font frire la nourriture. Le mec, sa croisade, le but de sa vie, c'est. Empêcher le McDo. Non mais il devrait être content, ça va attirer du monde. 900 habitants, il ne doit pas y avoir un commerce. Oui, et puis ça fait des... ça fait du passage fait, et tout. Ça fait du boulot en plus. Bah ouais. Mais oui, mais oui. Allô ? Ah, non. Ronald ? Oui, je suis là, oui. Bonjour monsieur Romano, mais vous êtes chauve. J'adore ta piscine à boules, Ronald. C'est vrai. Ah ouais, génial. Je laisserai nager dans ta piscine à boules. Ah cool, c'est vraiment sympa. Ça sera ta piscine à boules, on va la privatiser spécialement pour toi. C'est sympa comme tout. Le camping. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, bonjour madame. Oui. Oui, vous m'entendez bien ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince, je suis équipier chez McDonald's. Oui. Et je suis ce matin avec Ronald McDonald, la mascotte. Bonjour. Oui, non, merci, excusez-moi, j'ai pas le temps. Ah, là. Bah attendez, on va s'installer dans le village. Oui, bah écoutez. Et ça vous dérange pas, vous ? Non. Allez, pour fêter ça, je vous amène un Big Mac à midi, c'est 20 euros. Voilà, allez. Ah, bah je viens à midi, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bravo. Voilà, elle a pas dit non. Oui, c'est bon, je lui amène. Et voilà. Bon, bah en tout cas, on vous tiendra au courant de cette grande affaire, l'affaire qui secoue le village de Saint-Romain-en-Viennois. Ouais. Village de 900 habitants avec Jean-Luc qui mène une croisade anti-McDonald's. Ah, il en a fait le but de sa vie. Le but de sa vie, Jean-Luc. McDonald's ne passera pas par là. Voilà, VDM. Hein. Ah, c'est VDM, ça. Ah, oui, un peu, ouais. Bon, la compile du jour, on va parler d'embrouilles entre voisins, embrouilles de voisinage, une petite compile des embrouilles de voisinage. Vous avez aussi connu des embrouilles de voisinage. Vous pouvez nous envoyer des messages en nous racontant comment ça s'est passé. Vous nous dites tout ça très vite et puis on en reparle dans un instant. La compile du jour arrive. Alonso, dans un instant et dans une minute, même pas. L'horoscope. Eh oui, l'horoscope de l'amour, 8h50. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet.

pote de Soprano. C'était Alonso sur Skyrock, le Marseillais Alonso. Et tiens, puisqu'on parle de Soprano, on va lancer le top pour la roulette. Si vous voulez faire tourner, vous envoyez roulette au 7-20-20. Ouais. Roulette au 7-20-20 et vous gagnez Soprano en tournée. Et il y aura sans doute une petite visite d'Alonso sur une des dates de la tournée. Ah, possible, plusieurs. Ouais. Donc Soprano en tournée. Il terminera sa tournée d'ailleurs par le Stade Vélodrome. Il nous avait annoncé en exclu sur Skyrock. Stade Vélodrome avec Sky et les places à gagner maintenant. Alors, c'est pour toute la France, c'est pas que pour le Stade Vélodrome. Ah, il y en a pour partout. Il y en a pour partout. Il va partout, partout dans les grandes, les petites villes. Ouais. Il passe forcément près de chez vous. Soprano, le loupez pas. Il est super, Sopra. Et il y a des places en plus gratos. Gratuit. Ah ouais, gratuit, c'est encore meilleur. Dans la roulette, c'est à gagner. C'est la première roulette de la journée. Vous la faites tourner. Donc, roulette au 7-20-20. Et la compile du jour aujourd'hui, compile embrouille de voisinage. La compile du morning de Default sur Skyrock. Vous avez déjà eu des problèmes de voisinage, c'est arrivé à tout le monde ça. Hein. Oui, ça arrive, ouais, c'est chiant, mais bon. Je vous disais que hier soir, on parlait de freelance, on a eu plein de témoignages hier, c'était marrant. C'est marrant, sauf si c'était voisin. Freelance, ça avait des voisins, les voisins de palier qui puaient. Ouais. Qui puaient la poubelle. Ils sortaient sur son palier, ça sentait très très très très mauvais. Non, mais ils les sortaient jamais peut-être. Hein. Il y a des gens comme ça, c'est des sales. Oui, on disait la maladie de Diogène, tu connais Cariole? Le syndrome de Diogène, exactement. Ah, ça, le syndrome de Diogène. Ah oui, si, c'est ceux qui jettent rien. Ouais, c'est ça. Qui empilent dans leur maison. Ouais, mais ils jettent même pas leur poubelle. Ouais, mais c'est une maladie quelque part, quoi. Ils jettent même pas leur mégot. Ça, c'est un problème psychologique. C'est tout ce qu'ils ont, ils le gardent en fait. Ouais, ils sont radins comme toi. Mais d'ailleurs, hier soir, il y avait un auditeur là. C'était arrivé à quelqu'un de sa famille qui avait une personne qui avait le syndrome de Diogène qui gardait tout. Mmh. Et rien que dans le jardin, ils ont été obligés d'amener des bennes. Il y avait 7,5 tonnes de trucs dans le jardin qui avaient été stockés par le type. T'as un voisin comme ça, t'es content du voyage, tiens. Ah ouais, t'es heureux, ouais. Voici donc la compile des embrouilles de voisinage sur Skyrock. Numéro 3. Numéro 3. Ah, ça s'est passé à Toulon. À Toulon, on a offert 1500 euros hier matin, d'ailleurs. Ouais. À Toulon, il y a deux quinquagénaires qui prenaient l'apéro ensemble. Ils buvaient, tranquille. Bon, ils buvaient beaucoup. Et à un moment, il y en a un qui s'est énervé, très énervé, parce que l'autre avait bu plus de pastis que lui. Oula. Oh, tu as bu tout mon pastis. Oh, tu as bu le pastaga. Tu faut pas boire mon pastis. Le mec s'est énervé. Bon, a voulu taper avec les mains, voyant que l'autre était plus grand, il allait chercher une pelle et l'a ravagé à coups de pelle. À coups de pelle dans la gueule. Oui, donne-moi mon pastis et bing, bing, bing. Pastaga. Donc, c'est les Toulonnais. Vous avez la troisième marche du podium. Numéro 2. Numéro 2, on file à Amiens. Alors, les voisins se sont battus sur le palier à 6h du matin. Vous savez sympa pourquoi comme tout non. Ça. Alors, pourquoi ils se seraient battus à 6h du matin? Je sais pas, le type, c'est du bruit. Ouais, mais quel bruit? Ils n'ont. Je sais pas. L'amour. Non. Mettez du son. Non. Écoutez Skyrock le morning. Non. Il pétait. Non, le matin. Le téléphone. Le matin, 6h du matin. Le réveil. Le réveil. C'est ça, le motif. L'un des voisins n'a pas coupé son réveil pendant qu'il était sous la douche. L'autre voisin, énervé comme tout, arrive sur le palier, les deux sortent, l'autre à poil sur le palier, ils se sont battus. Si vous êtes à Amiens, que vous avez assisté à la scène, fallait la filmer celle-ci. Ah ouais. Un carton sur YouTube, ça. Numéro 1, c'est à Angoulême que ça s'est passé. Alors là, petit problème de bruit encore. Bon, au lieu de frapper à la porte pour réclamer une baisse du volume sonore, un homme de 62 ans, un peu énervé et fortement alcoolisé encore, ouais, a pris une pioche. Et aller défoncer la porte de ses voisins à coups de pioche. Bon, vous imaginez le papy, 62 ans, énervé parce qu'il y a du bruit, qui arrive avec sa pioche. Bah, tiens, je vais te mettre des coups de pioche. Bon, voilà. C'est toujours mieux que sur la gueule, hein, dans la porte. Ouais, donc il a défoncé la porte à coups de pioche. Eh ben. Voilà. Après, il a eu des problèmes avec la police. Oui, forcément. Ouais. Et c'est vrai que si vous avez un voisin comme ça, vous faites un petit peu de bruit, vous écoutez le son un petit peu fort, vous le voyez arriver avec sa pioche. Bon, ça peut faire flipper. Bah, laissez la porte fermée déjà. C'est ça. Voilà. Et évitez-le quand vous le croisez dans la rue parce que le monsieur, il a des soucis. Ouais, il se trimballe avec une pioche comme ça. Les embrouilles de voisinage, on en aura d'autres. Hein. Ah, il y en a plein, ouais. Oui, et puis merci pour les messages que vous nous envoyez. On salue Clara, là, qui nous laisse un message et qui a un problème avec sa voisine Jessica qui lui a piqué son mec. Depuis, c'est la guerre entre nous. L'autre jour, elle m'a craché dessus. Ah, bah c'est sympa. Sympa la voisine. L'autre, c'est un lama, tu sais. Ouais. Il y a Yanis de Pau, moi, ça pue le cul dans l'immeuble à certains étages. Ah, il y a des gens qui sont sales. Ouais, ah, ça ouais. Doit être ça, ouais. Ouais. Mon voisin, il reçoit sa copine tous les week-ends, du matin au soir. Elle crie comme une salope, d'accord, ouais. Du coup, le soir, ça me donne des idées. Ah, ça t'excite, Sabir de Montpellier. Absolument. Absolument, ouais. Sabir. Bon, merci pour les messages et merci pour cette matinée. C'est pas fini, hein. Attention, la dernière ligne droite et le meilleur du morning avec le zap du morning. Et puis, la roulette qui tourne. Roulette au 7-20-20. Vous gagnez Soprano. Bonne chance à vous. Il est pile 9h du mat. GPS, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon, ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon. Allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter.

l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en paga. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et bonne journée sur Skyrock, bon courage à ceux qui sont encore dans les bouchons, à Nanou qui est dans les bouchons ce matin et qui nous écoute. Heureusement que vous êtes là, heureusement que vous êtes là vous aussi. Hein. Ah oui. Eh bah ouais, tous ensemble, dès 6h ouais. du matin sur Skyrock. On fait une bise à Véro, bisous Véro qui nous demande des nouvelles de Cédric. Cédric, on l'a eu ce matin à 6h20, c'était notre invité mystère. Putain, on a des grosses stars dans le morning. Ah hein. ouais, attention. Oh là là, invité mystère ce matin en direct de son lit, suant, magnifique, hein, magnifique. Torse Cédric, nu. Sexy comme tout, on a démarré la journée dans la sexitude totale. Il va bien, il a mal à sa clavicule comme il nous dit, mais il va bien. Voilà, j'ai mal à ma clavicule. Je sais Cédric, on prendra les nouvelles ce soir entre 21h et minuit évidemment dans la radio libre. Sinon, bah, écoutez-nous, ça va, pleine ouais. forme. Alexandre, ça va toi aussi? Ouais, ça va, ça va. Bonjour Difool, salut l'équipe. Salut. Alex, t'es à Herblay, t'as 42 ans, tu fais quoi dans la vie toi Alex? Bah en fait je suis chef d'équipe en photométrie, ouais, c'est dans de l'optique. D'accord. Ok. Très bien. Ça fait ça c'est ça pas mal. Ça pète un peu. Ouais, ça pète. Ouais. On comprend pas. Ça pète. Chef d'équipe, photométrie. Moi, je suis en photométrie. Quand tu rencontres une meuf, c'est bien. Oui, je suis chef d'équipe. Ah ouais. Non, ça claque. Ça ouais. J'avoue, c'est pas forcément bien comme taf, mais bon. Mais c'est... le nom est pompeux. Ouais, c'est pas mal. Pompeux comme Cédric. Voilà. Petit dédicace, hein, Cédric. Oui, oui. Allez, Alex. Nous, on a des places pour Soprano. T'en veux, hein? Ouais, ouais, ouais, bah, c'est clair. Eh ben, on en a, c'est pour toi. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Eh ben, il y a 200 places à gagner, sans doute 2 pour toi maintenant. On fait tourner la roulette. Il tourne dans toute la France, il sera à Paris, il sera à Bercy aussi. Ouais. Sera, entre autres, hein. Entre autres, oui. Bon, je gueule là. Oh, c'est ça quand tu veux. Tu peux hurler ça. Comme tu veux. Bien. Bien. C'est bien, c'est bien. Alors, il sera à Paris le 30 septembre 2017. Oh, on a le temps. Ouais. Eh bien, tu gagnes tes 2 places pour aller voir Soprano, Alex. Merci. Bravo. Bravo. Voilà, des places à gagner pour toute la France. Hein. Ça démarre à Amiens au Zénith. Ça se finit par le nouveau stade Vélodrome à Marseille. Soprano, tourne. On le salue, Soprano, d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Merci, l'équipe. Et puis, on t'envoie tes 2 places pour aller voir Soprano. Tu veux ramener qui? Bah, une petite amie, sûrement. Une petite amie. T'en as combien? Ouais, je vais voir laquelle. Quel beau gosse, c'est Alexandre. Pas de problème, il faut choisir. C'est bien, Alex. Eh bien, on t'embrasse, Alexandre. Bravo pour les 2 places de Sopra. Et si vous n'avez pas gagné sur ce coup, restez à l'écoute. Il y aura des places à gagner avec Fred et avec toute l'équipe de Skyrock toute la journée. Et même ce soir avec nous dans la radio libre. Ouais. Bisous, Alex. Merci, Salut. Ciao, Alex. Et le zap du morning, vous l'attendez tous. Nous aussi. Le voici, le voilà, le zap du morning. Ça s'est passé ce matin. Le zap du morning sur Skyrock. Bon, d'Ivoire, t'as cliqué sur pour voir la sextape de Rihanna. Et le problème qu'il y a, c'est que t'as fait une connerie. Ça va te coûter 190 euros, mon Patrick. Et il faut la payer, la sextape, dis donc. Parce que c'était une arnaque. Ah, cochon. Ah, mon salaud. Déjà, je joue pas sur Internet, donc déjà. Ah. À mon avis, ça serait déjà compliqué. Hein. Ah, bah t'as un virus sur le Minitel aussi. Ah, moi aussi. Ouais, ouais, ouais, bah là, c'est terrible, il y en a partout. Ouais, il y en a partout en ce moment. Bon, bah, de toute façon, j'entends, il y a ta bonne femme à la maison, là. Non, c'est ma copine. Ah, c'est ta copine. Ouais, bon, c'est un peu ta femme. Non, c'est pas ma femme, c'est ma copine. Bah, ça va lui faire plaisir. Oui. Le voici, le voilà. Alors attention. Alors il est dans son lit. Allô, l'invité mystère. Bonjour. Quelle voix. Alors on peut pas dire qui tu es. Es-tu torse nu? Ah. Bah oui. Non. Les doigts de pied en éventail. Oh non. Et surtout les doigts de pied qui puent. Oui, non. Allô. Bonjour. Comment tu vas? Ah, écoute, moi, espèce de connard, comment ça va? C'est Black M. Ouais, bah, bien sûr, ouais, Black M. T'es déjà venu nous voir en concert, me voir en concert? Et pourquoi je viendrais à ton concert? Je veux pas me déplacer pour un petit con comme toi. Pourquoi je viendrais à ton concert? Moi, je crie énormément sur scène. Oui, oui, vas-y, crie. Surtout quand je vais te mettre un doigt dans le cul, tu vas crier encore plus fort. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Si tu as la bonne réponse, Ikram, tu repars avec un chèque de 1500 euros. Skyrock. Tu viens de gagner 1500 euros, Ikram. Bravo, Ikram. Bravo. Et voilà, on te tire au sort dans l'annuaire, comme ça on te passe un coup de fil et tu gagnes. Kelly, on est en direct à la radio ce matin. Oui. et on t'appelle pour t'offrir 1 500 euros, Kelly. C'est pas vrai. Quelle est ta radio préférée, Kelly? Bah, mais oui, Kelly. Bravo. Bravo. Ouais. Oh, bravo, Kelly. Bravo, Kelly. Super, Kelly. Ouais. Bien joué. Et ouais, c'est la journée des filles aujourd'hui. Hier, c'est la journée des gars. On avait deux gars hier, de Strasbourg et de Toulon. C'était Abdou et Philippe. Quelle mémoire. Et aujourd'hui, bah, c'est deux filles, Kelly et Ikram. Bravo, les filles. C'est bien, c'est bien. Ouais. Bravo, les filles. Bravo, les filles. Félicitations, les filles. Ah, et puis, on peut pas terminer l'émission sans passer un petit coucou à Julien Courbet. Julien Courbet et son garagiste et son auditeur. Julien Courbet, ça s'est mal passé. Un petit problème, oui. Si vous l'avez loupé, écoutez bien. Monsieur, c'est Julien Courbet, l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Mais je m'en bats les couilles que vous êtes en direct. Vous pouvez me faire passer à la télé, vous pouvez me faire passer où vous voulez. Non, mais je. Je emmerde tout le monde et vous mangez bien vos morts. Voilà, une conversation qui démarre bien. Mais vous voulez pas qu'on parle, qu'on essaie d'aider le client? Non, qu'il nous fasse passer ou à RTL, ou qu'il nous fasse passer où il veut, ou dans le camp de son mère s'il veut, ça en bougera pas plus que ça. Et qu'il va bien se faire enculer surtout. Et surtout qu'il va bien se faire enculer. Et là, le client. Le client arnaqué répond. Oui, exactement. Toi, tu vas passer dans un coffre de voiture, tu vas voir, ça va te faire tout non, bon, mais les gars. Non, là, je te mords, vous allez vous calmer les deux. Ah là, vous allez pas arriver à dire ça. Donc. Voilà, donc c'était sympa, très frais, Julien Courbet, sympa comme tout. Voilà, bah, si vous avez un problème, n'hésitez pas à ne pas l'appeler. Oui, ne l'appelez surtout pas, écoutez Fredo, il y a Fred qui est là, salut Fred. J'allais vous dire, faut pas l'appeler. Hein. Ah non, bah, c'est, t'as vu, il règle bien les problèmes. Waouh. Oui, enculé, t'es mort. Ouais, t'es mort. Moi, j'adore quand les deux ils parlent ensemble. Ah ouais, c'est trop drôle. Ah, là, s'est mis dans une affaire là, Julien Courbet. Ah oui, ça va être chaud, cette histoire. Toi, tu vas passer dans un coffre de voiture, tu vas voir, ça va te faire tout. Non, bon, mais non, Alan. Ah non, j'étais mort, vous allez, vous allez vous calmer les deux. Alan, vous n'allez pas arriver à dire ça. Donc, enculé, t'es mort. Il l'a dit. Même Julien Courbet, il a envie de rigoler. Oh, donc calmez-vous. Ah, très bien. Chaud. Oui, chaud, comme la matinée qui nous attend avec toi, Fred. Ouais, mais nous, c'est sans violence, c'est tranquille. C'est peace. C'est peace. Eh bien, peace jusqu'à midi avec le son de Skyrock, Urban Music, Don't Stop sur la première radio urbaine mondiale. C'est parti avec toi, Fred. Demain matin, le retour du morning. Ouais. Dès 6h, une bise à toute l'équipe. Bisous. Oh, je suis gentil. Ouais, là, une bise à toute l'équipe, je fais des efforts. Sinon, Cariole, t'en as plein. C'est des parce bisous. Qu'il n'y a pas Cédric que tu fais des bisous. Peut-être. Ouais, possible. Et puis, de retour ce soir, 21h pour la Radio Libre. On suivra le match de Monaco, le match de Lyon, deux matchs à suivre en direct. Alors, le PSG, Fredo, mais qu'est-ce qui s'est passé? On rentre tranquillement dans la compétition. Voilà, ouais. Un partout. Vous allez peut-être en sortir rapidement aussi. Tu veux qu'on parle de toi, Romano, ou pas? De ton équipe, c'était quoi déjà à l'époque? Bon, moi, c'est Auxerre. Ah oui, voilà, pardon. Nous, on n'a pas de Qataris qu'on a acheté. Non, ça, c'est sûr. Ah ouais. Il y avait Giroud, pas arrivé, quoi. Giroud à l'époque, mais. Là, depuis, ça galère, ouais. Bon, en tout cas, ce soir, du foot à suivre. Le clash de la drague aussi, on va voir comment on fait. En l'absence de Cédric, on va faire un clash spécial, je pense. Ouais. Et puis, vous tous et vous toutes en direct, dès 21h sur Skyrock, on compte sur vous. Passez une belle journée. N'oubliez pas le Watibé juste avant nous, d'ailleurs, tiens. Ouais, Watibé, le film La Pièce et la bande-son du film La Pièce. Oui, du gros son à écouter entre 20 et 21 avec le Watibé. À 21h, on arrive en direct sur Skyrock. Passez une belle journée et à tout à l'heure. Ciao. À toutes. À l'heure, Fred. C'est parti à 9h40, le son sur Skyrock, rap, R&B non-stop pour ce mercredi matin. J'espère que tout le monde va bien. C'est vrai que ça va être pisse ce matin. Tout tranquille. Rap, R&B non-stop. La roulette qui tournera encore tout à l'heure avec des places pour Soprano. Et on débute avec DJ Snake qui était un des gros cartons de l'été avec son album Encore. Voici le morceau avec Justin Bieber, c'est Let Me Love You sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up,

get the love of their life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you, with you, with you. Yeah, and I will never try to deny that you are my whole life, cause if you ever let me go, I would die. So I won't. If I got that, then I'll be straight. Baby, you're the best part of my day. I need you, boo. I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Say the heart's all over the world tonight. Ooh, ooh, yeah. They need it, boo. They need it. They gotta see it, boo. Say the heart's all over the world tonight. Heart's all over the world tonight. Cause with every kiss, and every hug, you make me, all in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight with the love of their life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you, with you, with you, with you, with you, with you, with you, only with you, with you, with you, with you, with you, yeah. Chris Brown à l'instant avec With You sur Skyrock. D'ici un petit quart d'heure, vous pourrez vous inscrire à partir de 10h. Coup d'envoi au 7-20-20. Vous envoyez roulette, on fera tourner la roulette avec des places pour aller voir Soprano. Et le retour du son, il sera signé par les 21 Pilots. Ça arrive sur Skyrock. Et puis Shy aussi, à écouter avec son morceau PMW avant 10h sur Skyrock. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock.